Parce que je me suis rendu compte en créant le magazine 220 Roller que créer un magazine de roller, c'était extrêmement compliqué. Ça demandait quand même des budgets conséquents. Et que derrière, le retour sur investissement n'était pas forcément gagné. Ma première préoccupation au départ, c'est de réussir à trouver des gens pour travailler avec moi et me filer un coup de main. Mais bon, on ne peut pas avoir 10 000 passions d'un coup, c'est compliqué. Et j'avais pour principe de ne pas aller marcher sur les plates-bandes des gens qui étaient bons et qui savaient faire les choses mieux que moi je l'aurais faite. Une envie de partage. Et c'est ça qui nous motive encore aujourd'hui, hein. On est une asso. On est une asso, on est une structure loi 1901. Et nos budgets, ils dépendent de la pub quand les annonceurs veulent bien. Et ensuite, de la bonne volonté, des dons des adhérents, quoi. Et des membres bienfaiteurs. Mais allez pas vous imaginer qu'on gagne de l'argent avec ça, quoi. C'est-à-dire. Oh là là, si je savais. C'est, je sais pas, mais c'est une espèce de drogue autorisée, quoi. C'est un truc. Putain, je chausse mes patins, j'ai l'impression de redevenir un gosse et de ça t'arrache à la gravité, tu vas vite sans effort, enfin, quand t'as un bon niveau, hein, je parle. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2022, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de roller en ligne. Donc pour cet épisode, nous allons parler de roller, eh ben oui, de roller, mais de roller quoi alors? De slalom, de roller derby, d'endurance, eh ben en fait un petit peu de tout ça, et voire même bien plus encore, comme par exemple histoire du roller, ou alors le roller dans les films, car j'ai avec moi Alexandre Chartier, le webmaster du site généraliste de Roller en ligne. Donc bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Alors comme à chaque début d'interview, mon chat me saute sur les genoux, comme ça elle me fait perdre mon fil, c'est génial. Ouais, la mienne est partie, donc ça va, j'ai fermé la porte, elle est dehors. Voilà. T'as de la chance. Je lui ai filé à bouffer avant de partir, comme ça je suis peinard. Ah ouais, c'est pas bête. Non mais moi j'ai une chatière, donc comme ça elle peut rentrer quand elle veut, partir quand elle veut, et voilà quoi. Donc je suis pas du tout peinard. Donc Alexandre, tu vas nous raconter ton parcours dans le monde du roller et on va essayer de comprendre un petit peu d'où te vient cette passion pour le roller et comment tu fais ton travail. Donc moi j'ai mis de journaliste, mais enfin ton travail de journalisme j'ai mis. Et tout de suite tu m'as repris, tu me fais ah mais je ne suis pas journaliste, et je sais bien que tu n'es pas journaliste, tu es créateur de contenu, dirons-nous. Ouais, alors au Club de la Presse de Bordeaux, ils nous qualifient, les gens qui n'ont pas de carte de presse, d'acteurs de l'information. Donc d'accord. C'est, le terme est sympa, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Donc, effectivement, dans la mesure où on n'est pas... où le journalisme, enfin, et la pratique de la presse ne représente pas plus de 50% des revenus, on n'est pas considéré comme journaliste. Étant donné que moi, ça me rapporte zéro, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je suis un bénévole qui... écrit des contenus sur le roller, comme tu disais. Voilà, ben, tout comme moi, je suis un bénévole qui fait du podcast et je ne suis pas du tout du journaliste, mais ça s'apparente à du journalisme. Et puis, voilà, on peut trouver plein d'autres mots pour dire ça, mais effectivement, tu n'as pas de carte de presse. Et quand les jours de pic de pollution, tu ne peux pas rouler à Paris avec ta carte de presse que tu n'as pas, justement. Bah, de toute façon, honnêtement, j'emprunte jamais, enfin, j'utilise pas de véhicule thermique. Donc la question se pose même pas, je suis soit en transport en commun, soit en patin. Et vu que je suis pas à Paris, il y a encore moins de problèmes. Exactement. Donc c'est un épisode qui va être du style portrait de patineur, même si, effectivement, toi, ton niveau en patinage ne nous intéresse pas spécial, enfin c'est pas pour ça que je t'interview. Attention à ce que tu vas dire. C'est casse-gueule. Ah non, mais je sais même pas d'ailleurs, je ne connais pas du tout ton niveau, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus chez toi, quoi. J'avais juste envie de te chambrer, y a pas de souci. Donc est-ce que pour commencer, tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, donc Alexandre Chartier, donc j'ai 43 ans. Pour résumer, alors je vais axer ça forcément sur le côté un petit peu roller. J'ai commencé le roller vers l'âge de 10-11 ans, je pense. J'ai des souvenirs de cette période-là. À l'époque, c'était en patin traditionnel, des quads. avec des quads, avec des chaussures fixées dessus. Ça devait être des Americana ou l'équivalent à l'époque. Et je patinais dans mon quartier comme tous les gamins de l'époque. Et puis, pour continuer sur le parcours roller, en 97 à peu près, j'ai un ami de mon père qui a ramené une paire de patins en ligne à la maison. C'était une paire de Rosses Rome. Alors bon, les spécialistes et les anciens se souviendront peut-être. Bon, c'était presque un patin de street. Pourtant, il considérait que c'était fait pour la rando à l'époque. Alors lui, il chaussait du 45. Moi, je faisais un petit 40 à l'époque aussi. Ouais. Mais malgré tout, je lui ai piqué ses patins et je suis allé faire un tour dans ma ville de l'époque, qui était Élancourt. Et ça a été une révélation, quoi. Ça a été une révélation. Vas-y, développe un petit peu, s'il te plaît. C'est quoi une révélation? Le sentiment de glisse, la liberté, la fluidité dans le mouvement. Le quad est extrêmement plaisant pour s'amuser, pour faire de l'esquive, des jeux comme le hockey, le rink hockey notamment, c'est extrêmement plaisant, c'est super maniable. Par contre, pour la vitesse, les patins en ligne à l'époque, ils ont quand même changé la donne. Ouais. Et ça a vraiment été ça, je pense, à cette époque-là, c'est cette sensation de vitesse qu'on peut avoir avec ces patins-là. Pourtant, bon, c'était la première fois que je les chaussais. Heureusement, j'avais un petit peu de passif de roller. Et finalement, même si le sol était abîmé, même si les patins n'étaient pas vraiment adaptés à l'époque, ça a quand même été un déclic, on va dire. Mmh. Et depuis cette période-là, donc 97, ça commence à faire un moment. Hein. Ça fait 25 ans, pardon. Ouais, 25 ans. Donc à l'époque, tu avais quel âge en 97? Comme ça, ouais, 97, ouais. J'avais 19 ans. 19 ans, ok. Ouais, si je me trompe pas, ouais, ça devait être ça. Et puis, depuis cette période-là, j'ai plus jamais lâché les patins. Alors que ce soit quad ou inline, hein, je précise, j'ai pas arrêté le quad pour autant. Mm. Mais bon, un des premiers trucs que j'ai acheté quand j'ai eu mon premier salaire, ça a été ça. J'ai acheté une guitare électrique parce que forcément à l'époque, quand t'as cet âge-là, t'as envie d'impressionner. Et puis mon deuxième achat coup de cœur, ça a été une paire de Salomon TR9. Mmh. Ça doit être vers 98 dans ces eaux-là. Alors les Salomon TR9, c'était le must du confort à l'époque. C'était le patin de randonnée absolu. Il coûtait 2000 francs. Alors, oui. Pour ceux qui étaient en euros, ça fait 300 euros à peu près. Ouais. Mais à l'époque, c'était déjà du très haut de gamme, quoi. Les seuls patins qui étaient au-dessus de ça, ça devait être les Coyotes, qui étaient à l'époque à 400 euros. Hein. Mais déjà, dès le début, tu savais que c'était pour toi, quoi, le roller. Hein. J'ai mis les pieds dedans, et puis, alors, quand j'ai découvert les Salomon, après avoir essayé les Roches, mais c'était un truc de dingue. Les Salomon, ils étaient super confortables, ils avaient une glisse de fou. Alors qu'ils étaient avec des roues, c'était 4 roues de 80. Les roues, je me souviens, les patins étaient blancs et jaunes. Donc couleur de Salomon avec une espèce de structure un peu carbone, enfin c'était pas vraiment du carbone, c'était un composite qui était gris noir. Ça faisait des patins qui étaient super modernes avec les roues translucides dessus. Et là à l'époque, voilà, ça roulait tellement bien, c'était un truc de fou. Et j'avais presque mal au cœur à chaque fois que je les mettais, que je les salissais. Je passais des heures à les briquer, j'ai monté, démonté les roulements comme un fou. J'ai passé des heures à nettoyer les roulements, mais un truc que je ferais plus jamais aujourd'hui, quoi. Surtout que ça les abîme plus qu'autre chose de remonter les roulements. Mais à cette époque-là, j'en savais rien, moi. Je passais mon temps à les huiler, à les graisser et tout. Je prenais un temps de dingue, mais ça. Et puis finalement, ça servait à rien. Voilà, c'est ça. Et alors, c'était quoi tes. Avec qui tu faisais du roller? À l'époque, j'en ai fait pas mal tout seul. Et en fait, le fait de pratiquer à plusieurs, c'est arrivé un petit peu après. C'est peut-être arrivé un petit peu après quand j'ai commencé à créer le site. Donc, 97, je commence à patiner. Si, quand même, entre 97 et 2001, je me souviens d'avoir fait du street hockey. Pas mal sous la halle, il y avait une halle à Maurepas, dans laquelle on était plusieurs patineurs à venir pour faire du street hockey. Alors, c'était assez physique, hein. Ça, on se rentrait pas mal dedans parce qu'on n'avait pas forcément un super niveau en patin. Mais ça se passait bien. Il y avait des garçons, il y avait des filles. On s'amusait bien. Et puis, petit à petit, ça s'est diversifié assez vite sur d'autres pratiques parce qu'on était quand même assez, assez gourmand de faire d'autres choses. On avait vraiment envie d'essayer plein de disciplines différentes. Donc, il y avait le street hockey, il y avait le slalom. Alors, le slalom, à l'époque, c'était des espaces de 1 mètre. On avait une paire de twisters. Donc le twister, le premier twister orange, C'était dans les premiers Twister Orange pour moi à l'époque. Attends, je ne sais pas ce que c'est qu'un Twister. Un Twister, c'est un des patins de slalom de référence à l'époque. Ah, d'accord, ok. Il y avait des gars comme Vincent Vivanca qui roulait avec ça, Sébastien Lafargue. À l'époque, c'était un Technica, si je me souviens bien. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être un Technica au départ, et puis après, ça a été racheté par Rollerblade un petit peu plus tard. Et puis forcément, bah, y a eu les randos parisiennes. Parce que quand vous faites du patin en région parisienne, vous allez forcément à la rando du vendredi. Alors, c'est les randos du vendredi, moi, c'était un truc de barge à l'époque. Il y avait 5000, 6000, voire plus de personnes qui pratiquaient. Alors, pour nous qui avions l'habitude de rouler dans notre banlieue, de se retrouver au milieu de cette masse-là, c'était un truc de fou. Alors, on se retrouvait soit à Place d'Italie au départ, et puis après, ça a bougé à Montparnasse. Et voilà, on était un petit groupe de copains. Donc la rando a démarré vers 22h, 22h30. Elle se terminait vers 1h du mat. Et puis après, l'aventure, c'était aussi de rentrer à la maison parce qu'à cette heure-là, il n'y avait plus de train. Donc quand vous habitez en banlieue, c'était un peu chaud. Et on avait les bus de nuit. Donc on prenait les patins, on prenait le métro avec les patins, on se faisait engueuler par les contrôleurs. Et puis après, on allait dans le bus avec nos patins, on était en nage. Mais bon, c'est quand même des super souvenirs. Je me souviens qu'on... On menait un petit peu la vie dure à l'époque aux staffeurs en première ligne qui devenaient dingues parce qu'on passait notre temps à faire les ouaves et à les dépasser, quoi. La jeunesse. On était gamins, quoi. Ben voilà, ouais. Et puis, ouais, c'était l'époque aussi où il y avait des espèces de teams un petit peu des magasins parisiens. Je me souviens, il y avait, on a roulé avec différents magasins à l'époque. Mais je me souviendrai pas de tous les noms. Il y avait Roller Passion et je me souviens, on leur avait pris des t-shirts et on roulait en tête de cortège avec eux. Il y a eu Outini aussi, enfin, il y a eu plein de magasins. C'était vraiment une époque de fou à ce niveau-là, au niveau du patin, parce que c'était vraiment la période 97-2005, c'était le must. Oui, bah c'était l'âge d'or, enfin là où il y avait le plus de pratiquants, je suppose. Et, ouais. Et en plus, comme il y avait Internet n'était pas encore très développé, les boutiques en ligne n'étaient pas trop développées. Donc forcément, il fallait bien acheter des patins dans des boutiques spécialisées, quoi. Ouais, c'était un truc de fou à l'époque. Il y en avait une vingtaine à Paris. Mais il faut imaginer, aujourd'hui, il reste deux, voire trois magasins. Et à cette époque-là, il y en avait une vingtaine. Donc il y avait Hawaii Surf qui était devant. Il y avait Nomad aussi, qui est toujours là aujourd'hui. Donc ces deux enseignes existent encore. Il y avait aussi Ilios, qui était un magasin créé par Taïg. Et puis autour de ça, il y avait plein de petits magasins de marques différentes. Enfin, avec des intitulés différents, et chacun se spécialisait plus ou moins dans une discipline, mais il y avait de la place pour tout le monde à l'époque. Le marché était monstrueux, c'était 2 millions de paires par an, le patin, quoi. Ouais. Et en 2021, t'as les chiffres de vente ? Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ça doit être 4 ou 5 fois inférieur à cette époque-là, quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Et donc, t'as touché un petit peu à tous les sports, enfin à quelques disciplines, mais est-ce que tu t'es mis dans un club ou c'était juste en loisir ? Alors, ouais, finalement, en fait, le fait d'avoir pratiqué le patin en ligne et d'avoir pris des sensations de vitesse, ça m'a donné envie d'apprendre dans un club. Et c'est vrai que c'est un côté que j'avais un petit peu omis, j'en ai pas trop parlé pour l'instant. Je suis allé à Saint-Germain-en-Laye, au TUESG, donc c'est le trait d'union étoile Saint-Germanoise. Donc, ce club avait une particularité, c'est que l'entraîneur du club était Olivier Babonneau, qui était un ancien du Team Salomon. Donc, en fait, j'ai appris avec un pro. Et je pense que ça m'a donné des super bases à l'époque pour patiner. Alors, pourtant, on patinait pas dans des conditions exceptionnelles. Hein. C'était sur le parking du Kiabi, au fin fond d'une ville de banlieue, quoi. Donc, ça faisait pas rêver. Je me souviens encore de cette rigole qu'il y avait au milieu du parking et qu'on passait sans cesse. Et pourtant, le club, il y avait un super niveau, quoi. Donc, il y avait Olivier qui était patineur pro. Il y avait aussi Valérie Rocher qui encadrait, qui elle aussi était une super patineuse qui avait un niveau national. Il y avait Antoine et il y avait Alain Pigère. Alain Pigère, c'est ceux qui connaissent un petit peu la Fédé, s'en souviendront peut-être, Alain Pigère, c'était le responsable de la commission randonnée à une époque. Et donc voilà, donc j'ai appris dans ce club-là, et on a fait la première édition des 24 heures du Mans ensemble, ça devait être aux environs de 2000, et on avait fini 7e, je crois, à l'époque, ce qui était plutôt bien. Par contre, toute proportion gardée, parce que effectivement la première édition, déjà on s'était pris 17 heures de pluie, je me souviens, C'était un truc de fou. Tout ce qu'on s'était. Des seaux d'eau qu'on se prenait. J'avais fait un tout droit dans le virage en bas, tellement c'était mouillé et que j'arrivais pas à patiner correctement. Et finalement, il y avait quoi, 650 patineurs, donc ça devait faire une. Je sais pas, ça avait pas beaucoup d'équipes finalement, mais c'était des équipes de 12 à l'époque. Ah oui, donc ça, oui, ça fait vraiment pas beaucoup d'équipes, ouais. Mais. Mais bon, c'était vraiment une période qui était incroyable. Il y avait beaucoup d'effervescence au niveau du patinage. Et moi, ça m'a vraiment mis sur les rails, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des compètes. Alors bon, j'ai. Ça, tout n'a pas été de super souvenirs, parce que quand vous débutez le patin et que vous arrivez sur des compètes où les mecs, ils sont déjà bien rodés, vous prenez cher à la première, hein, je peux vous le dire. La première que j'ai faite, c'est l'International Grand Rouen. Alors, c'était un aller-retour sur les quais à Rouen. Alors, pareil, les anciens s'en souviendront de ces trucs-là. Et le souvenir que j'ai, c'est de voir le peloton, première course qui part, et moi, je suis sur la ligne, là, et je suis médusé, quoi. Je suis loin de. Je vois le tas de gars qui est parti et moi je suis à peine en train de démarrer. Et là tu fais waouh, ok, donc prochaine fois je pars à fond. Et la course d'après je pars à bloc, mais comme un âne quoi. Et je tiens. Alors je suis super content, je suis dans un peloton en tête et tout, je suis bien placé là. Et puis arrive l'épingle, et là dans l'épingle, je sens qu'il y a un mec qui fout la main sur mon épaule et qui m'éjecte dans les bottes de paille. Et là tu fais putain, enfoiré! Je dirais pas son nom parce que j'ai pas envie d'avoir d'histoire, mais je me souviens très bien de qui c'est. D'ailleurs, il a le même prénom que toi. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, ça a été, bah, c'est pas grave, hein, je suis remonté sur les patins et ça m'a pas empêché de continuer. Et ouais, voilà, c'est mes souvenirs de course. Et puis après, j'ai fait beaucoup de marathons. À l'époque, il y avait la French Inline Cup. Donc la French Inline Cup, c'était l'ancêtre de la Coupe de France des marathons roller. Donc la FIX était créée par Arnaud Jiquel et elle s'est arrêtée en 2010-2011. Donc bah, je prenais les départs des Open et bah, je faisais la bataille avec plein plein de gars à l'époque. Moi, il y avait des patineurs super niveau, mais ça m'a bien permis de progresser. Et ben alors donc t'avais quel niveau grosso modo ou même maintenant t'as enfin au summum de ton art t'avais quel niveau? Ah bah c'est pas évident parce qu'en fait je me suis quand même pas trop trop mal débrouillé à l'époque, mais bon, j'ai jamais fait de compète traditionnelle, on va dire. Je me souviens qu'à Nice, en 2001, là j'étais plutôt bien rodé parce qu'à l'époque je faisais du triathlon en parallèle du roller. Et j'arrivais à suivre les élites, le peloton de la World Cup. En fait, alors ouais, ça il faut que je vous le raconte quand même, en 2001, j'étais journaliste. Pour un magazine de roller que j'étais en train de créer. Mais un vrai, pour le coup, j'étais vraiment journaliste à l'époque. Enfin, même pas, j'étais stagiaire. Ouais. Donc, je gagnais pas ma vie, j'étais stagiaire. Et j'ai créé un magazine en tant que stagiaire. Et donc là, je suis envoyé par ma rédaction pour couvrir la World Inline Cup qui se déroulait à Nice, sur la promenade des Anglais. Et pour déconner, il y a un gars qui me dit, mais tu veux pas suivre la course avec les patins de l'intérieur? Je fais, bah ouais, vas-y, ouais. Et du coup, il y a Salomon qui me prête une paire de carbone bas que j'avais jamais mis et je prends le départ avec des patins que j'ai jamais essayé. Donc, je me souviens d'avoir fait les 20 premiers bornes avec des patins que j'avais jamais essayé. Alors que, en plus, j'avais fait la fiesta la nuit d'avant, j'étais fracassé. Et j'ai réussi à suivre les élites pendant plus de 20 bornes avant de craquer, quoi. Donc. C'est excellent. De mémoire, ouais, voilà, c'était ça. Il y avait Salomon, il y avait Rollerblade, c'était un truc de fou. Mais bon, c'était un souvenir. Après, moi, à titre perso, les meilleurs résultats que j'ai faits, ça doit être en Coupe de France marathon sur les Open, je sais pas, vers l'âge de 27 ans, où là, j'ai fait pas mal de podiums. Mais bon, ça restait des Open, quoi. Donc, j'ai jamais vraiment fait ça pour la compète, j'ai fait ça pour me marrer. D'accord. Et bon, on va en arriver donc maintenant à ce qui nous intéresse le plus. Là, c'est donc le site de Roller en ligne. Mais est-ce que tu peux donc commencer par nous raconter la genèse de Roller en ligne? Ouais, alors Roller en ligne, en fait, au départ, c'est né d'un projet. Comment dire? Bah, j'aimais le roller, donc ça, c'était un fait. Et du coup, j'ai commencé à en mettre à toutes les sauces dans mes études. Alors, j'ai fait STAPS. Ah oui. Donc, à partir de la Alors, STAPS, 10. c'est Ouais, fac de prof de sport. sport. Ouais, voilà. Ouais, pour devenir prof de sport, Ouais. essentiellement à l'époque. Sauf que moi, j'ai pris la filière management qui est celle pour pas devenir prof de sport, mais faire autre chose. Donc, en 2000, 2001 à peu près, enfin même en 99-2000, je commence à faire une première analyse pour ma maîtrise sur le marché du roller. Parce que c'est, je voyais le marché qui évoluait, j'avais envie de comprendre dans quel sens il allait aller, donc j'ai fait une étude pour comprendre dans quel sens le matériel allait évoluer. Alors, en STAPS, Ouais. c'est marrant ça. Je pensais pas que ça serait. Parce que pour moi, ça c'est plus financier, tu vois, plus économique que sportif. Bah en Mais fait, c'est. le matériel sportif en soi, ça fait partie des questions. L'amélioration technologique, les innovations technologiques, c'était de la prospective. Et je suis assez content parce que finalement, ce boulot-là, ça a été un boulot hyper instructif. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, j'avais pris tous les magazines de roller que je connaissais et j'avais décortiqué près de 900 paires de patins que j'avais mis dans une base de données Access que j'avais créée à l'époque. Et j'avais comparé sur les années, en gros, 97 à 2000. J'avais comparé l'évolution du matos. Alors, j'avais constaté une augmentation du diamètre des roues, j'avais constaté l'arrivée du carbone et plein d'autres petites choses comme ça. Et du coup. C'est-à-dire, en fait, tu prenais une paire de patins, tu mettais et tu mettais les caractéristiques du patin Ouais. Il y et avait une le. cinquantaine de caractéristiques par patin Ah et ouais, une cinquantaine de caractéristiques. Donc ça, c'est quand même impressionnant. je regardais le diamètre des roues, la dureté des roues, le type de roulement utilisé, les matériaux. Le nombre de roues. Et à partir de tout ça, je faisais des projections pour voir en me disant, bah, OK, bon, là, on voit qu'effectivement, le diamètre des roues, il augmente. Il passe de 76 à 82 mm en 4 ans. Et puis après, il passera encore plus loin. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais réussi à prédire pas mal de trucs qu'on a vus aujourd'hui. Donc ça, je suis assez content. Et ça a été le premier truc qui m'a mis le doigt dans l'engrenage du roller, quoi, au niveau web, parce que finalement, je me suis dit, ces trucs-là, j'aurais peut-être moyen de les réexploiter derrière. Bah carrément, ouais. Tu l'as encore cette base de données ou pas? Alors, une partie, mais j'ai perdu mon travail parce que j'ai trois disques durs qui ont cramé. Ah Et du coup, mince. j'étais fou. J'étais fou, Ouais. j'y avais passé 10 mois à la remplir. Oh là là, mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant et je sais pas si t'es qui fait ça, si les autres, si les revendeurs, enfin les Non, mais constructeurs non, font ça. personne fait ça. Et même encore maintenant, tu vois, roller en ligne, on a une base de données de patins qui va de 2003 jusqu'à maintenant, avec près de 6000 modèles dedans. Je pense pas qu'on soit nombreux à avoir fait ça, quoi. Mais bon, je suis un peu un psychopathe au niveau des données. J'adore ça. Donc là, 99-2000, je fais ça. 2000-2001, j'arrive en DESS. Et c'est la période où je suis à Grenoble, donc où je crée mon magazine de roller avec 220, qui est un magazine de triathlon au départ. Ils voulaient faire un numéro pilote de roller, et je me suis occupé de l'écrire de A à Z quasiment. Donc c'était l'époque en fait où dans cette boîte-là, on a aussi monté une étape de la World Inline Cup avec un autre stagiaire entre Albertville et Grenoble. Donc ça, c'était en juin 2001. C'était la France Télécom Roller Cup à l'époque. La patronne avait réussi à trouver des super sponsors. On avait France Télécom en nom de marque principale. Donc c'était un truc de belle ampleur quand même. Bah oui, c'est clair. Puis alors donc t'avais 20, enfin non, 24 ans peut-être, je sais pas, mais c'était. 2001, j'avais 23, ouais, 22, Ouais, 23, 23. c'est jeune hein, pour monter un événement comme ça, quoi. C'est Ouais, chapeau, bah quoi. après on était deux ou trois à le faire hein, quand même. Il y avait un autre gars qui venait du foot avec moi, je me souviens, qui était mon coloc de l'époque, qui a bossé là-dessus. Et on travaillait comme des damnés, hein, franchement, on n'avait pas de week-end, on passait notre temps à ça, quoi. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes de l'époque que je vois encore aujourd'hui, notamment dans nos collaborateurs, entre guillemets, enfin les gens qui nous ont aidés à monter ça. Il y avait quand même Christophe Audouard, qui à l'époque était le team manager de Salomon. Et l'avantage qu'on avait, vu qu'on était en Savoie, enfin en Isère et pas loin de la Savoie, c'est qu'on avait les sièges des grandes marques à côté. On avait Rollerblade, on avait Salomon. Et du coup, j'ai rencontré aussi Alain Nègre à l'époque, qui était le team manager de Rollerblade. Et ils se sont engagés à venir sur la course avec leur équipe, les deux équipes pro, Rollerblade et Salomon. Donc déjà, on savait qu'avec ces deux équipes-là, on avait un plateau de fou. Bah ouais. Et puis finalement, il y a d'autres équipes qui sont venues se greffer là-dessus, malgré une certaine concurrence des courses suisses qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et on a eu un bel événement. Donc c'était une. Alors à l'époque, les World Cup, elles étaient un petit peu différentes. Sur les preuves qu'on a fait nous, il y avait trois courses. Il y avait donc le Villaville qui faisait 80 km entre Albertville et Grenoble. Il y avait des courses sur l'anneau olympique, sur la note vitesse, on a fait des différents formats de course, et il y avait une course de côte de 10 bornes ou 15 bornes à la sortie de Grenoble. Et donc voilà, c'était un classement sur les 3 jours, enfin sur les 3 courses plutôt. Et donc c'était complètement différent de ce qu'on faisait aujourd'hui. Et puis bah du coup ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, parce que j'ai eu la chance avec ma super Ford Escort de l'époque d'aller chercher les champions à la gare. Et donc je me suis retrouvé avec Pascal Briand et Franck Cardin dans la bagnole. Donc c'est la première fois que je les rencontrais, alors j'étais un fan inconditionnel. Et donc à l'époque ils occupaient quoi comme poste? Ils étaient patineurs professionnels chez Salomon. D'accord. Donc c'était les deux pointures de l'époque. Enfin, ouais. Eux, Arnaud Jiquel. Enfin, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Botero qui était là. Enfin, il y avait des noms de fous hein, dans les équipes à cette époque-là. Même si aujourd'hui, je ne remets pas en question. Hein. C'est juste qu'il y avait... les médias s'étaient emparés de la chose et il y avait un vrai engouement autour du patinage. Donc, les personnes de cette époque-là hein, avaient laissé des traces qu'auront plus de mal celles d'aujourd'hui à laisser. Quoi. Et donc voilà, ça a été mon premier pied, entre guillemets, dans la porte du patinage. Et ça m'a créé tout un réseau que j'ai pu réutiliser par la suite. Donc en 2000-2001, je suis dans mon DESS, et un des exercices que nous demande le prof, c'était un cours d'informatique en anglais, je me souviens, donc on faisait tous nos cours en anglais, c'était de créer une page web. Et je crée une page, donc forcément sur le roller, je me souviens, il y avait un joli coyote qui clignotait à l'entrée, et tous les autres, en fait, n'ont pas mis leur site en ligne. Et moi, ça me paraissait complètement idiot d'avoir un projet de site web et de ne pas le mettre en ligne. Ils avaient tous fait des pages en local. Donc, j'ai poussé le truc. J'ai mis un nom de domaine. Ça s'appelait inforoller.free.fr à l'époque. Et je l'ai posé en ligne. Et je me souviens que j'avais eu une bonne note. J'avais eu 16. J'étais content. Ouais. Donc, je me souviens de mes notes comme ça. Il y en a quelques-unes qui m'ont marqué. Et du coup, le DESS... Mon DESS, mon sujet de mémoire de DESS, c'était les problématiques de pérennisation des magazines spécialisés. Parce que je me suis rendu compte en créant le magazine 220, Roller, que créer un magazine de roller, c'était extrêmement compliqué. Ça demandait quand même des budgets conséquents. Et que derrière, le retour sur investissement n'était pas forcément gagné. Donc je commençais à parler dans ce mémoire-là de réfléchir à la digitalisation, notamment parce qu'à l'époque, quand on faisait les photos, c'était encore du pellicule, de la pellicule. Et petit à petit, j'ai conseillé à ma patronne de passer sur le numérique. Alors effectivement, ça lui paraissait cher, mais un jour, je suis revenu avec une centaine de pellicules. Elle a compris qu'il faudrait peut-être faire autrement. Ouais. Et voilà, donc j'avais fait plein de préconisations pour des futurs magazines et je commençais à parler aussi de se diversifier au web. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement, rapidement, hein, mais des coûts d'un magazine papier? Ah bah oui, c'est assez... Et des revenus, après. Comment... Bah ça dépend de ton tirage, en fait. Mais bon, à l'époque, un magazine bon marché, entre guillemets, il te coûtait 20 à 30 000 euros par numéro. Et si tu voulais quelque chose d'un peu qualitatif, il te fallait 40 000 euros par numéro pour un tirage qui était... je veux pas dire de bêtises, mais il devait y avoir 30 000 ou 40 000 exemplaires, quoi. Et donc ces coûts, c'était quoi? C'était le papier, je suppose? Il y a beaucoup de choses, ouais. Il y a les coûts d'impression, forcément, mais il y a aussi le... Faut payer les photographes, la mise en page, parce que toute la mise en page, c'est un gros boulot. Les photos, éventuellement, le développement de pellicules, les journalistes, les déplacements, parce qu'il faut quand même produire. Enfin, tous les temps, ouais. Par exemple, tu vois, quand tu fais des tests produits, tu les fais pas en une journée, quoi. Il faut un petit peu de temps. Et donc, tout ça, plus les différents frais fixes. Et puis, il n'y a pas que ça aussi. Il y a tout le réseau de distribution à payer. Et une fois que ton magazine est en kiosque, s'il ne se vend pas, et bien derrière, tu payes aussi pour le retirer du kiosque et qu'ils détruisent les exemplaires invendus. Ah oui, en plus. Donc, ça, c'est extrêmement... Que ça marche. Donc là, toute cette réflexion-là m'a fait dire, mais en fait, c'est idiot le papier, quoi. C'est joli, c'est sympa d'en garder des souvenirs. Parce que moi, j'étais un grand fan de Roller Saga, qui était le magazine de référence pour moi à l'époque. J'adorais ce qu'il faisait. Le truc, c'est qu'en fait... tu te rends compte que c'est extrêmement cher et que c'est très compliqué de financer et de faire vivre un magazine. Roller Saga, en gros, ils sont sortis entre 97 et 2000. Et après, on n'en a plus entendu parler. Donc, c'était malheureux parce que pour moi, c'est eux qui m'ont donné envie de faire de la presse, en fait. Ils avaient des magazines qui étaient hyper qualitatifs et qui m'ont motivé à en faire. Et du coup, en 2001, une fois que j'ai fini mon stage et que j'avais fait mon numéro pilote, Derrière, j'ai été contacté par ce qui était Ride Mag à l'époque. Donc Ride Mag, c'était le magazine parisien de roller. Alors, c'était Nicolas Mouton-Bretonnel à l'époque qui était rédac chef. Donc on avait commencé avec lui. J'ai bossé pendant 2 ans avec lui. Au départ, Ride Mag était un gratuit, puis après il est devenu payant. Et là, c'est pareil, ça m'a permis de rencontrer plein de monde. J'ai pu rencontrer Luc Bourdin, qui est un de mes amis aujourd'hui, qui vit sur Bordeaux aussi. J'ai pu rencontrer Jean-Marc Gravier. Alors Luc Bourdin, à l'époque, pardon, il était à la Fédé de Roller et il était en charge des équipes de France de freestyle, notamment. Jean-Marc Gravier, lui, il faisait du roller tout-terrain et de la roller dance, déjà. Donc il est resté logique. J'ai rencontré Serge Rodriguez aussi, qui avait écrit plein de bouquins à l'époque sur le roller avec Marion Thuriot, sa femme. Et j'ai surtout aussi rencontré Sam Niesvisky, qui pour moi est un petit peu mon mentor au niveau historique aujourd'hui. Sam, il a conditionné un petit peu tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et tout ce que je considère comme mon avenir, entre guillemets, dans le patin. Tout ce qui est la passion de l'histoire. Et donc, on avait une bonne petite équipe et on travaillait donc sur Ride Mag et sur Roller Skate après. D'accord. Vous. Alors, quand tu dis vous travaillez sur Rennes, enfin, c'est. Comment ça se passait? Vous étiez à distance? Vous étiez sur Paris? Vous étiez. Non, en fait, ouais, on était tous plus ou moins autour de Paris. Le siège était rue Ménilmontant à l'époque. Donc, je te raconterai des anecdotes, mais off, parce que là, j'ai pas envie de choquer les personnes sur ce sujet-là. Mais voilà, on avait le siège à Ménilmontant. Ça, je me souviens, c'était DF Presse qui éditait le magazine. Et on proposait, donc, chacun, on était responsable d'une rubrique et on proposait les contenus. Alors, Luc, lui, il était à distance, mais c'est vrai que Jean-Marc Gravier et Serge Rodriguez et Sam, je les voyais de temps en temps, quoi. On se retrouvait au siège de la boîte et on proposait des sujets de magazine. Ensuite, on nous finançait les déplacements pour aller faire nos sujets. Alors, je me souviens que j'ai vadrouillé pas mal grâce à ça. Je suis notamment allé à Lille. Non, mais et puis, non, je suis allé un peu plus loin que ça. On est même allé au Maroc grâce à un partenariat entre la Fédé et Royal Air Maroc. Ça a Ah ouais. été là pareil. J'ai rencontré tous les riders de l'équipe de France en freestyle. Il y avait une tournée de fous à l'époque. De roller en France, où il y avait des shows de roller dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes. Et là, c'était pareil, c'était l'occasion de voir des démos avec des sauts, du slalom, du water jump. C'était vraiment des trucs de dingue. Des choses comme on aimerait en voir aujourd'hui. Alors, je sais que financièrement, à l'époque, ça avait été un gouffre et que ça avait coûté extrêmement cher à la Fédé. Mais en termes d'image, c'était vraiment pas mal. Ah oui, moi je me souviens effectivement des. Enfin moi c'était surtout du. Les skate. Enfin je fréquentais les skateparks et effectivement je voyais dans plusieurs villes là où il y avait des. Sur un week-end des rampes de malades qui se construisaient avec des vrais riders là qui venaient faire des sauts et on était comme des fous quoi quand on les voyait. Et. C'est vrai que c'était un petit peu partout quoi qu'on voyait ça. Ouais, ça commençait vraiment à émerger. Les skateparks à l'époque en France n'étaient pas encore aussi développés que maintenant. Aujourd'hui, il y en a près de 3 000. Mais ouais, ça montait bien. Et il y avait vraiment une scène roller qui poussait fort. Il n'y avait pas de trottinette, il y avait peu de skateboards. C'était assez calme au niveau du skate. C'était vraiment la période du roller, quoi. Il n'y avait pas de concurrence. Et alors, donc, tu travaillais pour ces journaux et en même temps, ton site inforoller.free.fr, qu'est-ce que t'en faisais? Bah, à l'époque, en fait, c'est une page HTML que j'alimente. C'était juste une page Régulièrement avec des HTML? actualités. Ouais, c'était que du HTML à l'époque. Je faisais ça avec Word. Alors, je te laisse imaginer, quoi. Oui, mais à l'époque, enfin, je sais pas, En ça devait fait, bien se faire quand même. ouais, je me Enfin, souviens après. il y avait quand même Front Page, hein. J'ai trouvé des versions de Front Page 2003. Donc, au début de tout ça, il y avait quand même des éditeurs HTML. Les puristes faisaient ça carrément en écrivant le code de A à Z. Moi, j'avais pas ce niveau-là, hein. Je faisais de la mise en page surtout. Et ouais, pendant que je faisais Ride Mag, j'ai pas trop écrit sur Roller en ligne. J'avais gardé ma. Enfin, Roller en ligne, Info Roller à l'époque. De 2001 à 2002, je suis chez Ride Mag. Donc, j'écris pas trop en parallèle. J'évite de faire de la concurrence à mon magazine. En revanche, il y a un moment où il y a eu un hiatus, quoi. Il y a eu des différences de point de vue avec le rédac chef. Et je suis parti. Et à partir de là, j'ai fait, toi, mon coco, tu vas voir ce que c'est que la concurrence. Et du coup, j'ai lancé Roller en ligne. Alors, c'était pas un esprit revanchard du tout, hein. C'est juste que pour moi, je voyais qu'il y avait une place, quoi, pour un site généraliste. Et le web foisonnait à l'époque. Il y avait un monde fou qui se lançait sur des projets autour du patinage. Il y avait le plus gros réseau, en fait, était né en 2001. C'était eBride. Ebride, c'était un réseau qui était structuré autour d'un forum et plein d'autres sites. Donc il y avait Roller.fr, notamment, dedans. Roller.fr qui fête ses 20 ans bientôt. Et du coup, j'en profite pour dire, je vais faire une interview de toute l'équipe de Roller.fr lundi prochain. Ah Donc oui. quand vous écouterez ça, elle sera déjà faite. Donc je suis à Paris pour faire ça. Et Roller.fr était typé Freeride. Après, il y avait le site de Luc qui était là aussi. Il y avait Map. Il y avait plein de sites qui tournaient à fond et dans toutes les disciplines, mais il n'y avait aucun site généraliste. Il y avait un site de vitesse aussi qui s'appelait Roller Skating, qui était tenu par un gars qui s'appelait Jean-Pierre Barbetos à l'époque. Et lui, il faisait vraiment beaucoup de trafic. Et en fait, j'ai monté Roller Online, la partie généraliste, et ça a cartonné tout de suite. Franchement, il y avait plusieurs milliers de visites assez vite. Je me souviens qu'au bout de moins d'un an, il y avait plus de 1500 visites par jour sur le Ah site. ouais. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu as fait de la pub pour ton site? Et est-ce que tu sais d'où venaient les personnes? Ça arrive plus tard, tout ce qui est pub. Ma première préoccupation au départ, c'est de réussir à trouver des gens pour travailler avec moi et me filer un coup de main. D'accord. Donc j'en discute avec Jean-Pierre Barbetos de Roller Skating. Et on se dit, si on fusionne et qu'on met tous l'énergie ensemble, on a peut-être moyen de pérenniser ça et puis d'en faire une vraie vocation et un vrai travail. Donc on essaie de se rapprocher. Malheureusement, ça s'est pas bien passé avec Jean-Pierre et du coup, on a été obligé de se séparer. Notre relation professionnelle s'est arrêtée là. Je rentrerai pas davantage dans les détails. Non, Et oui. ensuite, j'ai sollicité en parallèle d'autres sites, notamment Roller.fr et bien d'autres, que j'ai essayé de motiver en leur disant, les gars, si on se réunit tous pour faire un énorme site, on a moyen d'avoir du poids auprès des annonceurs et de pérenniser notre activité. Et malheureusement, à l'époque, ça ne s'est pas fait. Donc, ce que j'ai constaté, moi, au fil des années, c'est qu'effectivement, Roller en ligne a tenu, et petit à petit, toutes les initiatives de l'époque se sont essoufflées. C'est pour ça qu'en fait, je trouvais déjà, bon, c'était un petit peu triste, parce qu'il y avait des vrais sites qui marchaient super bien. Il y avait le site de Scali, il y avait le site de Sébastien Lafargue, il faisait partie du réseau Hybride, plus ou moins. Qui était vraiment top au niveau pédagogie, en slalom, en actu, en contenu. C'était vraiment un truc de dingue. Roller.fr, ils faisaient un boulot de fou sur la vidéo. Ils étaient à fond sur tout ce qui était freeride. Et ils faisaient vraiment des vidéos qui étaient hyper novatrices à l'époque. Et franchement, au niveau vidéo, c'était les rois. Par contre, Roller en ligne a eu un avantage, c'est qu'il ne s'est pas détourné des débutants. Et il y avait quand même finalement notre fonds de commerce, entre guillemets, même si j'aime pas le terme parce qu'on a toujours été une asso et qu'on n'a jamais gagné notre vie avec, ça a toujours été d'être ouvert à tous les profils de patineurs et en particulier aux gens qui découvrent la pratique. Mais en fait, ouais, c'est vrai que là, moi, bah, pour une interview, là, je suis allé sur des chaînes YouTube et je vois, je suis tombé sur une chaîne où la personne a fait 50, 60 vues par vidéo et tout d'un coup, elle fait une vidéo apprendre à freiner et là, 7000 vues sur sa vidéo. Et donc, effectivement, les autres vidéos, c'était rien, c'était je déballe mes patins, c'était des trucs comme ça. Et bah là, c'est tout ce qui touche à apprendre à faire du roller. En fait, je pense qu'il y a, il y a, il y aura toujours du monde, il y aura toujours un public pour ça, Mais quoi. apprendre tout en fait. Si vous regardez bien, si vous avez des opportunités de trouver un secteur où il n'y a pas d'occupation par un concurrent, apprendre un secteur qui vous intéresse, il y a énormément de choses à faire. Je me souviens, il y a 15 ans ou 20 ans, j'avais eu envie à un moment de faire une chaîne sur le bricolage. Mais si j'avais Ouais. fait ça, je serais millionnaire aujourd'hui. Ah, je suis pas sûr parce À que. l'époque, les magasins ne le faisaient pas, il n'y avait personne. Oui, ouais. Tout était ouvert, ça aurait pu être revendu, franchement. Mais bon, on ne peut pas avoir 10 000 passions d'un coup, c'est compliqué. Voilà, de toute façon. Ouais. Mais non, mais j'en connaissais. Je connais. C'était Christian PC, là, qui était sur RMC le dimanche matin et qui, lui, avait un site sur le bricolage et il faisait des vidéos et tout ça. Et bon, bah. Il n'est pas millionnaire, hein, ou Non, pas mais ma connaissance c'était une en tous façon les de cas. parler. Hein. Faut pas le prendre littéralement, mais bon, clairement, il y avait du potentiel. Ouais. Donc là, Alors, ouais. en 2001, InfoRoller. Ensuite, je passe mon DESS, je le valide. J'ai envie de continuer plus loin, j'ai envie d'aller vers une thèse. J'ai envie de faire une thèse au niveau du roller. Donc, on me dit, ah bah, avec ton DESS, tu peux pas. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, mais on m'a dit ça à l'époque. Du coup, alors, c'est quoi déjà un DESS? C'est l'équivalent d'un Master 2 d'aujourd'hui. D'accord. Et un DEA, c'est pareil, c'est un Master 2. Donc, je veux passer un DEA. Et je fais mon DEA sur la sociologie du roller quad et les processus de distinction sociale par le biais de la pratique du quad. Donc en gros, je prends les différentes pratiques et je dis, bah voilà, ça c'est une pratique un peu élitiste, ça c'est une pratique marginale, un peu urbaine, enfin voilà, je découpe un peu les familles et les tribus du roller quad. Donc ça marche bien. Et tous ces travaux-là, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à en faire. Et 11 décembre 2003, je me dis, bon allez, je vais lancer un nom de domaine qui est rollerenligne.com. Donc je dépose le nom et à partir de là, oui, ça décolle. L'équipe s'étoffe derrière. Donc je vous dis, j'ai essayé d'avoir un petit peu de monde. Alors j'ai pas forcément réussi à travailler à l'époque avec les gens qui étaient les acteurs principaux du terrain, mais on s'entendait bien, on avait une bonne synergie. Et j'avais pour principe de pas aller marcher sur les plates-bandes des gens qui étaient bons et qui savaient faire les choses mieux que moi je l'aurais fait. L'équipe s'étoffe, donc avec des gars et des filles. Il y a des garçons et des filles dans l'équipe, ça c'était bien. J'avais Bobor qui aujourd'hui travaille chez Bolton au magasin Click and Roll de Nîmes. Donc Bobor, ça a été un des premiers sur le site avec moi, je me souviens. Chaque fois, il me dit, ouais, tu te souviens, on était dans ta chambre. Voilà, on écrivait les articles et tout. On était encore chez mes parents, c'était marrant. Il y avait une voisine aussi, Laura, qui faisait beaucoup de freeride. J'avais Christophe aussi, un copain qui faisait du freeride. Donc ensemble, on faisait du slalom. Et on s'est bien éclaté, on a écrit plein d'articles de pédas et on a fait des vidéos à l'époque avec des 3 francs 6 sous, quoi, mais avec des appareils photo de l'époque, on commençait à faire des petites vidéos. Oui, il faut bien se rendre compte, là on est en 2003, ouais. Le numérique, c'est... Enfin, c'est tout les frais, appareils ouais. Photo numériques, c'était vraiment le tout début. Hein. Ouais. Et alors moi j'avais un bridge en plus, c'était un truc qui était un peu bâtard et qui coûtait assez cher à l'époque malgré tout, j'avais investi là-dedans et... Ça faisait des vidéos en 640 par 480. Et oui, bah c'est le standard. À l'époque, oui. À l'époque, c'était ça. C'était les télévisions, de toute façon, elles étaient dans cette résolution. Donc, ouais. Et donc, vous les mettiez sur Internet, les ouais, vidéos ? Oui, ouais, on les mettait sur Internet. Ouais. Alors, on les mettait directement sur le site parce qu'à l'époque, je ne sais pas s'il y avait encore YouTube. Je crois pas. Non. Je ne me sens pas qu'il y avait YouTube à ce moment-là. Bah oui, c'est non, je pense pas non plus. Et RollerFR, c'était pareil. Ils hébergeaient des tonnes de vidéos sur leur serveur. Alors, il fallait des serveurs de fou parce que des vidéos, ils en avaient des tonnes. Et bon, voilà. Et au fil des années, en fait, RollerLine s'est diversifié. Alors, au fur et à mesure qu'on a trouvé des gens dans l'équipe qui étaient spécialisés dans une discipline, et ben, les personnes prenaient les disciplines en charge. Donc, il y a eu, je pourrais pas citer tout le monde. Hein. Franchement, il y en a eu trop. Mais par exemple, il y a eu Alexandre Lebrun qui faisait un spécialiste de la descente, qui est venu nous rejoindre et plein d'autres. Donc on s'est diversifié, on a fait plein de thématiques différentes. On a commencé à répertorier des spots. Ça nous a amené à créer Spotland un petit peu plus tard, en 2013. Et entre-temps, on avait déjà pas mal diversifié le site. Ça marchait bien, donc on a aussi... on l'a passé en 3-4 langues. Donc là, on avait fait un moment, on faisait anglais, allemand, espagnol, en plus du français. Ouais, c'est... Mais alors, comment tu arrives à recruter, entre guillemets, à trouver tous ces collaborateurs ? Bah, je pense que quand tu parles avec la passion de ce que tu aimes faire, tu arrives à mobiliser un petit peu des gens. Alors, je parle surtout à cette époque-là, parce que maintenant, honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, je pense que voilà, c'était des personnes qui avaient envie d'aller dans le même sens, qui comprenaient le projet, qui voyaient que c'était désintéressé, que c'était juste une envie de partage. Et c'est ça qui nous motive encore aujourd'hui. Hein. Là, il y a une partie des gens qui étaient dans l'équipe historiquement qui sont encore là. Donc ça fait plaisir. Il y a quelques personnes qui nous ont suivis depuis très très longtemps, quoi. Bah ouais. Donc la diversification en 4 langues, donc ça c'est quand même énorme, c'est une personne par langue, je suppose. Ouais, c'était ça. En fait, il y avait des articles en français qui étaient écrits et puis derrière, il y avait des personnes qui les traduisaient, mais on avait aussi des correspondants dans différents pays. Et il y a un moment en fait, ça vraiment à la période de pic, je pense que c'est aux alentours de, je voulais pas dire de bêtises, mais ça doit être entre 2010 et 2014. On avait des correspondants dans 9 pays et il y avait 50 bénévoles qui bossaient sur le site, quoi. Ce qui faisait combien d'articles par semaine? Oh, c'était monstrueux. Des actualités, il y en avait 10 ou 15 par jour, et des articles, il y en avait 5, 6, 7, 10, ça dépendait, quoi, mais c'était assez costaud. C'est clair, c'est énorme, quoi. Après, c'était une époque où il n'y avait pas Facebook. C'est une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on avait en fait on était abreuvés par les contenus qui étaient envoyés aussi par les pratiquants eux-mêmes, par les organisateurs des compétitions, par les marques, par les magasins. Enfin, tout le monde envoyait du contenu parce que effectivement, à l'époque, on n'avait pas le réflexe de publier sur les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Et Enfin, donc en fait, c'était toi c'était ce site-là le point central, on va dire. ouais, ça a été un truc de barge. Je me souviens qu'il y a une époque en fait où je pouvais pas me déplacer sur une compète sans serrer une main tous les 2 mètres. Et franchement, quand je réalise, c'était génial. Parce qu'on avait réussi à construire un truc qui était vachement reconnu par la communauté et qui était très apprécié. Et ça se traduisait effectivement sur le terrain. Parce qu'à chaque fois qu'on y allait, qu'on allait filmer une course, pour monter sur une moto, pour accéder au bord d'une piste, on se posait même pas la question. T'arrivais avec une casquette roller en ligne ou un t-shirt roller en ligne, tu savais que t'avais aucun mal à rentrer, quoi. Ouais, c'est cool ça quand même. Ouais. C'était une époque de dingue. Et puis on commençait à être un petit peu connus et reconnus. Et du coup, les organisateurs d'événements nous finançaient des déplacements, ils nous aidaient à venir. On pouvait vendre des prestations photo, vidéo qui nous permettaient de financer l'asso. Grâce à l'argent qu'on a récolté à cette époque-là, on a pu notamment envoyer des reporters au championnat du monde à l'autre bout du pays, quoi. J'ai envoyé deux gars en Corée. J'ai envoyé deux gars en Corée, moi j'y suis jamais allé, mais j'ai envoyé du monde en Corée. Il y avait Christophe Pierrodon, Kevin Le Sueur. Kevin qui a fait Mediascape plus tard, bah, ils sont partis en Corée, c'était un truc de dingue. Et j'avais un correspondant qui était en Colombie, enfin, on en avait au Chili, on en avait en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Enfin, ça bougeait, quoi, c'était un truc de dingue. Alors pendant ce temps-là, c'est toi tu fais un métier, je suppose, autre pour vivre, Ah bah ouais, j'ai pas de choix. pour manger, je veux dire. Donc c'est quoi là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai pas mal bougé quand même. Pendant mes études, j'étais dans le jeu vidéo. J'étais lead tester chez Ubisoft, entre Ah autres. oui. Et puis donc je m'occupais des équipes de test des jeux vidéo. Ce qui a absolument rien à voir. Mais bon, après, j'ai fait des boulots alimentaires aussi. Entre 98 et 2002, j'étais chez Decat. J'étais vendeur au rayon chaussures. Et puis après, j'ai demandé le roller parce que quand même, c'était plus cohérent. Oui. Et puis, j'ai fait pas mal de boulot alimentaire parce que le jeu vidéo aussi, c'était hyper précaire. Je me suis retrouvé à vendeur à la Fnac, à vendre des PC dans l'informatique. Et puis après, quand j'ai commencé à me poser un petit peu et à me faire un nom, parce que roller en ligne, mine de rien, m'a permis de trouver du boulot, quoi, à côté. C'était une bonne carte de visite. Ah oui. J'ai bossé dans le marketing et la communication, comme ça, grâce à ça. Parce que une des personnes que j'entraînais dans un club, alors j'étais à Montpellier à l'époque, a vu le site et il a dit, est-ce que tu es capable de faire ça pour ma boîte? Je fais, bah ouais, pas de problème. Donc j'ai été embauché comme ça dans un service marketing en anglais et en français en plus. Donc c'était bien, j'étais en deux langues. Et ça m'a ouvert un petit peu les portes de la com derrière. Parce que c'était compliqué chez Ubi, j'avais déjà eu envie de bosser dans la com, mais on m'avait clairement expliqué que j'avais pas le calibre, quoi. Ouais, bah ouais. Mais alors, mais ça me fait rire parce qu'en fait, t'as fait Staps, mais finalement, tu le valorises pas en fait ton. Bah, en fait, ça arrive plus tard, je trouve. C'est marrant comme les chemins serpentent. Donc, je suis dans le jeu vidéo. J'ai effectivement une approche. Bah, le jeu vidéo, c'était un boulot que je faisais déjà pendant mes études et j'étais super content parce qu'il y avait une bonne ambiance. Mais finalement, ouais, le sport, il revient plus tard, en fait. Une fois que j'ai fait du marketing et de la com dans le secteur, alors c'était de l'électronique, essentiellement. C'était les tout débuts des compteurs Linky et compagnie. La boîte dans laquelle je bossais faisait des villes intelligentes. Enfin, ils faisaient des dispositifs pour faire des relevés de compteurs d'eau à distance. Donc ça vous rappellera des choses d'aujourd'hui. Et après ça, du coup, j'ai réussi à. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait après? Alors ça, c'était. Après, j'ai monté ma boîte. Après, j'ai monté ma boîte de marketing et de com et j'ai fait des sites internet. Ça, c'était entre 2009 et 2014. Et je monte ma boîte de marketing et com, et ça me permet de faire du roller en ligne comme un âne. Parce que du coup, j'ai plus de contraintes d'un patron qui est derrière mon dos. Et vu que le web marche bien, à l'époque, j'ai 6 mois d'avance sur mes commandes. Donc j'arrive à trouver des clients pendant à peu près 6 ans, Ouais. ou un peu moins. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, pof, ça s'arrête, quoi. Et enfin, ça ralentit. Donc je commence à m'inquiéter là. Je sens que la boîte, ça va, mais que c'est quand même pas non plus, comment dire, c'est pas d'une stabilité sans nom, quoi, d'être à son compte. Et coup du sort, il y a Daniel Boniton, qui est, alors, en 2014, il est président de la Fédé de Roller. Enfin, il m'appelle même fin 2013. Ça doit être en décembre 2013. Ouais, il m'appelle en décembre 2013. Il me dit, est-ce que vous seriez intéressé, pour reprendre le poste de chargé de com de la Fédération de Roller? Le chargé de com s'en va. Même responsable com à l'époque. Parce que, donc c'était responsable com. Et je fais, bah ouais, carrément, ouais. Et Ouais, donc j'en ça ai. tombait pile poil quoi en fait pour toi. Ouais, C'était ouais. l'opportunité qui C'était, par arrivait contre, quoi. c'était pas anodin parce que ma femme, elle travaillait à Montpellier, elle avait toujours vécu à Montpellier. Ouais. Et on a quand même bougé à Bordeaux, quoi. Ça nous a tout remis en question. Donc je vais là-bas. Ça se passe globalement bien au début. Et puis, derrière, donc Daniel Boniton démissionne. Et là, les choses se compliquent un petit peu pour moi. Donc, je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas envie de le faire. Mais voilà. Donc, pendant 6 ans, je tiens à la Fédé, malgré tout. Et je fais ce que je peux pour que ça se passe bien. Au bout d'un moment, je craque parce que j'en ai marre. Et puis, donc, je pars en octobre 2019. Et là, je redémarre un travail dans l'informatique, du coup, comme chef de projet. C'est le boulot que j'occupe aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, bah, Roller en ligne continue, mais Roller en ligne plus Fédé, c'est un peu compliqué. Parce qu'on me taxe de conflit d'intérêts, ce qui n'est absolument pas le cas, mais bon, hein, ça a été vraiment une prise de tête pendant toute cette période-là. Et de toute façon, en parallèle, il y a les réseaux sociaux qui arrivent. Donc, au niveau éditorial, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que Facebook change complètement la donne dans la manière dont on doit penser le contenu en tant que site éditorial. Donc à l'époque, effectivement, ce que je te disais, tout le monde venait sur Roller en ligne dès qu'il fallait chercher des résultats de course, une annonce de course, ou de compète, tout était marqué sur le site, on arrivait à tout réunir, sauf qu'après, avec les réseaux, ben, les gens sont devenus autonomes, ils sont devenus créateurs de contenu. Et donc finalement, on a perdu un petit peu notre pertinence sur une partie de notre activité. Donc ça a bouffé petit à petit notre modèle économique. Parce que les marques sont passées sur les réseaux sociaux, les organisateurs sont passés sur les réseaux sociaux. Et quand tu enlèves trop de pieds à une chaise, au bout d'un moment, bah, ça finit par tomber, quoi. Et donc le budget de Roller en ligne, qui était quand même assez confortable, enfin confortable, c'est relatif. On avait un budget de 35 000 euros à peu près en 2013, au moment où on était au mieux, il a été divisé par 7, quasiment avec aujourd'hui, quoi. Donc, ça a été une période difficile, il a fallu se remettre en question, se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a sur Roller en ligne qu'on ne trouvera jamais ailleurs, et puis se concentrer là-dessus. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a misé sur des contenus qui sont complètement différents, ce qu'on appelle du contenu froid. Dans le milieu de la presse, il y a le contenu chaud qui est l'actualité. Des trucs du moment qui sont périssables, entre guillemets, et les contenus froids qui sont des choses qu'on peut lire à n'importe quel moment sans que ça soit daté. Donc on s'est concentré là-dessus. Et jamais tu t'es dit je laisse tomber Roller en ligne pour aller sur un autre réseau social. Bah, pour moi, un réseau, le principal problème des réseaux, c'est que ça laisse pas de traces. Les conversations, elles passent, et il n'y a aucun. Enfin, c'est fugace. C'est extrêmement fugace, c'est-à-dire que quand tu veux chercher un historique sur Facebook, bah, tu peux y aller, mon gars. Tu C'est vas fouiller un moment avant de trouver des choses. Et les tout infos à sont pas fait. hiérarchisées. Et pour moi, la plus-value d'un travail de presse, c'est ça. C'est de récupérer une information, de lui donner un angle, d'essayer d'avoir un regard aussi objectif que possible, aussi factuel que possible, et derrière de le présenter aux gens. Alors, ils sont d'accord ou pas d'accord, hein, peu importe, mais toi, tu as fait un travail d'objectivité, enfin de création de contenu, de structuration de contenu, et t'as apporté un regard sur les choses. Un réseau social, c'est pas du tout ça. Un réseau social, c'est des gens qui te collent des idées les unes sur les autres, dans un joyeux bazar. Oui, bah, tout à fait, c'est chaud. Mais en ce moment, c'est ce qui fonctionne. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, ça aurait pu être une idée de changer, quoi, de plus faire un site, mais de basculer sur. Bah, en ce moment, c'est TikTok et Instagram qui fonctionnent bien, quoi. Ouais, mais alors pour le coup, moi, ce qui me gêne avec ça, c'est ce que je te disais, c'est que ouais. Si les gens veulent retrouver des traces de ce que tu as écrit dans 10 ans, bah, c'est mort. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec Pour toi. Moi, le seul réseau social encore qui vaille la peine à l'heure actuelle, c'est YouTube. Parce que YouTube, tu as une possibilité d'hiérarchiser tes vidéos et d'y accéder de manière structurée. Et c'est la vidéo, c'est un format qui est pertinent, qui marche bien. Et YouTube les hiérarchise, tu peux les trier par thématique. Lui, il a un intérêt parce que les gens reviendront sur cet outil-là et l'utiliseront même quand dans 10 ou 15 ans. Alors que tous les autres, ils auront disparu. Et de toute façon, les réseaux sociaux, c'est des structures périssables, on le voit bien, quoi. Ça passe. Moi, à mon époque, il y avait Caramel. Oui, je m'en souviens. Toi, t'as peut-être connu aussi. Alors, enfin, je suis jamais allé dessus, mais oui, je me souviens. Ouais, il y a eu des chats aussi, il y a eu des ICQ, des machins. Enfin, tous ces trucs-là, ils ont disparu. Tout à fait. Donc, il y a un moment. Oui, mais. Bon, après. Facebook est toujours là. Ouais, mais regarde, il change de nom, il sera amené à disparaître dans quelques années. Ou alors il va se diversifier, il va aller vers autre chose. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, oui, là, il a déjà changé de nom, il s'appelle Meta. Mmh. Après, il faut aussi voir que si on prend YouTube, je crois qu'il est toujours pas rentable. Hein. Ça coûte de l'argent. YouTube appartient à Google et ça coûte de l'argent à Google de stocker toutes les vidéos. Oui, sans doute, ouais. Vu le volume de données, c'est possible. Ouais. Comment ça s'appelle Après, ils sont leaders. Hein. C'est un petit peu. En fait, la notion de profit, il faut s'en méfier parce qu'un leader sur le marché, même s'il ne fait pas forcément de profit, au moins il occupe l'espace. Et c'est un peu ce qui se passe avec les Uber et compagnie. C'est que la première phase de vie d'un produit, souvent, c'est occuper le marché pour pas que les autres y aillent. Ouais. Donc, oui, mais tout YouTube à fait, c'est le winner takes all. Hein. C'est celui qui gagne, il évince tous les autres et donc potentiellement il pourra être profitable. Donc être profitable, c'est-à-dire faire des profits à long terme. Mm-hmm. Et c'est ce que je voulais dire. Twitter fait des profits, mais quand il s'est lancé en bourse, le dirigeant a dit peut-être que Twitter n'en fera jamais. Mm-hmm. On n'a toujours pas trouvé le modèle économique. Donc après, il y a Amazon. Hein. Amazon, c'est un autre très bon exemple. C'est pas rentable à l'heure actuelle, mais c'est financé par toute la logistique de serveurs qu'ils ont derrière. C'est leur location de serveurs. AWS, Amazon Web Service. Ouais, ouais. Tout à fait. Ah ouais, je pense que c'est très bien qu'on le dise ici, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, mais quand même, c'est Facebook, ça doit être gratuit, ou ah, c'est YouTube, ça doit être gratuit. » Bah, YouTube, il a essayé il met un abonnement, parce qu'il n'est pas rentable. Et comme on dit, there is no free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Bah, de toute façon, une des expressions qu'on t'apprend en marketing, c'est que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, oui. Pour Facebook, en l'occurrence, c'est les données personnelles qui sont revendues, plus ou moins, ou alors de façon macro, qui sont exploitées pour faire des statistiques. Mais voilà, donc oui, il n'y a pas de gratuité en fait. Hein. Et c'est franchement, j'ai eu ce débat-là un nombre de fois incalculable avec Roller en ligne. Mais le nombre de fois où j'ai des gens qui m'ont dit, ouais, alors vous êtes combien à gagner votre vie sur Roller en ligne? Qu'est-ce que ça rapporte? À un moment, je m'étais amusé à faire un sondage. C'était en 2011. Pour voir la perception que les gens avaient de Roller en ligne. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils s'imaginaient qu'on était 10 ou 15 salariés, mais par contre, en budget, ils estimaient qu'on avait 10 000 euros de budget de fonctionnement. Et là, t'as envie de leur dire, ouais, mais comment tu finances 10 salariés avec 10 000 euros? Tu m'expliques? Parce que franchement, ça a été une bataille. Donc, moi, j'ai fait un gros boulot depuis 18 ans, là. Qu'on a créé le site, j'essaye de faire un gros boulot pour expliquer aux gens, on est une asso, on est une structure loi 1901, et nos budgets ils dépendent de la pub quand les annonceurs veulent bien, et ensuite de la bonne volonté, des dons des adhérents, quoi, et des membres bienfaiteurs. Ouais. Mais allez pas vous imaginer qu'on gagne de l'argent avec ça, quoi. C'est-à-dire... Ouais, c'est... Mais enfin, les premières années, elles m'ont coûté de l'argent, moi. Elles m'ont coûté 4000 balles, quoi. Donc les 3 premières années n'étaient pas rentables, hein. Ah ouais, mais c'est voilà, mais je pense qu'il bon, il fallait que ce soit dit, que les gens se rendent compte que c'est très le site Rollerling fait surtout que depuis la nouvelle monture, il fait vachement bien, vachement beau, tout ça, vachement neuf, mais effectivement personne ne gagne d'argent dessus quoi. Ouais, il... vu qu'on est transparent, je vais vous donner les chiffres de la refonte du de la nouvelle monture. La nouvelle monture, elle a coûté 25 000 euros. Donc c'est on les a faites sur nos fonds propres. C'est-à-dire que j'ai attendu 6 ou 7 ans d'économie sans trop dépenser pour qu'avec tous les sous qu'on a récoltés au fil des années entre les dons et la publicité, on puisse financer la nouvelle version. Donc il faut en avoir conscience, quoi. C'est un budget, hein. C'est quand même pas rien, quoi. Et par an, il nous faut à peu près, rien que pour les serveurs, il nous faut 1500 euros, quoi. Donc, voilà, ouais, non mais voilà, c'est pas gratuit, ça c'est sûr et certain. D'autant plus que derrière, comme je te disais tout à l'heure, bon, on a créé les quatre langues, mais ça on a réduit un petit peu la voilure. Là, on, honnêtement, les, je mets quelques articles en anglais, mais les autres langues j'ai arrêté. Derrière, on a créé Spotland aussi, qui était un petit bout de roller en ligne en 2013. Alors Spotland, il référence tous les lieux de pratique, roller, skate, BMX, trottinette, et même du ski roue. Qu'on peut trouver en France et même à l'étranger. Donc ça, ça a été un, c'est un de nos beaux bébés. Lui, il a bien marché là. Il fait actuellement, il fait quasiment autant de visites que rollerenligne.com. Ah ouais, donc c'est pas mal. Je voulais, parce que je vois qu'on leur leur avance. Où est-ce que tu trouves toutes tes idées d'articles que tu écris? Ouais, c'est une bonne question. Alors, soit les gens en apportent. Parce qu'en fait, on essaie de répondre. En fait, à un moment, ce que je faisais, c'est que j'essayais de répondre à des besoins. Donc, j'ai beaucoup utilisé le forum de Roll en ligne. Je regardais les questions qui étaient posées sur le forum et toutes les questions des gens et les réponses des internautes, on les mettait en musique sous forme d'articles. Et le forum de Roll en ligne a été beaucoup apprécié, notamment à la fermeture du forum Hybride, parce que justement, on acceptait volontiers les personnes qui étaient débutantes. Et qu'on répondait à leurs questions sans se fâcher, entre guillemets, quoi. Parce que c'était pas un truc réservé aux connaisseurs. Ouais. Donc il y a eu beaucoup beaucoup de questions, en fait les questions que je me suis posées moi pendant mon ma croissance entre guillemets roller, je me les j'ai essayé de les mettre sous forme d'articles. Ouais. Donc et puis... ouais non mais c'est vrai que c'est bien et puis en plus ça permet des fois on se pose une question et on et le fait de chercher à répondre à cette même question pour quelqu'un d'autre. Eh ben, on va faire des recherches dessus et on va approfondir le sujet, on va découvrir des choses. On fait, ah tiens, mais ma pratique n'était pas si bonne que ça. Au final, je vais peut-être modifier quelque chose. Et je trouve que c'est un très bon exercice. Puis notamment, d'après, au final, à la fin, tu vas formaliser quelque chose, tu vas rendre ta copie et ça t'oblige à faire un exercice qui est pour moi très très intéressant, quoi. Ouais. Et puis il y a un truc qui est génial avec le web par rapport au papier aussi, c'est que au fil des années, tu les fais évoluer tes articles. C'est-à-dire que ce qui était vrai il y a 10 ans ou 15 ans, enfin, tu vas l'affiner. Pour moi, c'est un peu, je prends souvent l'exemple de la sculpture ou de la poterie. C'est-à-dire que t'as une forme, t'as une terre entre les mains et tu vas la sculpter. Alors, tu vas faire une première ébauche. Et l'avantage qu'on a même par rapport à la poterie ou à la sculpture, c'est qu'on peut revenir dessus et la retravailler pour affiner les traits, pour faire quelque chose qui soit mieux d'année en année. Et pour moi, en fait, Roller en ligne, il se rapproche par beaucoup d'aspects, il se rapproche de Wikipédia. C'est-à-dire que la communauté apporte pas mal au site, notamment en disant « Ouais, cet article-là, ça c'est pas vrai, ça c'est pas bon, ça c'est mieux comme ci, ça c'est mieux comme ça. » Et au fil du temps, on améliore les contenus qui existent déjà. Non, mais oui, je vois que régulièrement, tu remets des articles à jour. Oui. Ouais. Bah, de toute façon, on ne peut pas réécrire éternellement. Ouais. Non, il y a, effectivement. Pour vous donner un ordre d'idée des quantités de données qu'il y a sur Roller en ligne, ça peut se faire en chiffres. Des articles de fond, j'en ai 4000, à peu près. Les actualités, on en avait près de 20 000. Des événements, il y en avait 6 000. Des lieux de pratique, on en avait 6 000 aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les patins dans la base de données, il y en a 4500. Ouais, voilà. Enfin, bon, c'est beaucoup, beaucoup de gros chiffres comme ça. Donc, les articles de fond, forcément, on y revient, on les retravaille. Et on les reposte. Ouais. Ok. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut passer aux questions de fin d'interview ? Alors, je sais, bah moi, oui, alors je peux te parler un petit peu de l'orientation que je veux donner à Roller en ligne dans les années à Ah bah venir. oui, tout à fait, ouais. Donc, Roller en ligne, effectivement, bon, c'est une structure associative avec un petit peu de monde derrière, surtout des membres bienfaiteurs actuellement. L'équipe est un petit peu plus restreinte. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent participer, c'est un petit peu comme toi, tu fais à la fin de tes annonces. Ouais. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice. Il n'y a pas besoin d'être champion du monde, il suffit d'avoir un petit peu de temps et d'avoir envie. Et puis derrière, moi, je vous guide dans la manière dont on peut écrire et faire des choses Et ensemble. oui, et n'ayez pas peur, même si vous ne savez pas faire, enfin si vous Oui, voilà, pensez ouais, ne pas tout à fait. savoir faire, vous allez apprendre. C'est un peu comme quand vous apprenez à patiner à quelqu'un. Souvent, je suis sur les quais à slalomer à Bordeaux et il y a plein de gens qui passent en roller et je mets une ligne exprès pour eux à côté parce que j'aime bien quand les gens s'arrêtent et qu'ils essayent. Et ah, mais j'y arriverai jamais, je sais pas faire. Bah oui, il doit faire du speed sur un pied, forcément, c'est pas pareil. Mais en C'est sûr, fait, ouais. le truc, c'est que, ok, bah tu vas y aller, tu vas faire une godille au départ. Et puis après, ta godille, eh ben, tu vas essayer de faire un serpent. Et puis après, tu vas peut-être essayer de faire sur un pied. Et puis après, tu essaieras peut-être en arrière. Mais voilà, faut bien démarrer, quoi. C'est ça. Et si on, il faut pas avoir peur de tomber. Hein. De toute façon, même moi, je peux, au début des interviews, j'étais beaucoup moins bon que ça. Et je te demandais quelles questions il faut que je pose. Et puis je bafouillais encore plus que maintenant. Je bafouille toujours beaucoup et je fais encore beaucoup de E. Mais plus ça va, plus je m'améliore. Donc Bah, il faut pratiquer de toute façon. exactement. Hein. Et Ouais. voilà. Il Et faut comme pas je dis, avoir moi, honte de ça. je connais rien. Enfin, je connais pas grand-chose au roller. C'est juste que j'aime bien faire et donc ce podcast me permet d'apprendre des choses sur le roller. Et je vais interviewer d'autres personnes le mois prochain et voilà quoi, ça va. Et j'apprendrai encore plus de choses. Alors attends, excuse-moi Alexandre, je dois te quitter un quart d'heure, s'il te plaît. J'ai juste quelqu'un Ok. à accueillir. Ok. Après cette courte pause, je te laisse repartir pour me parler de l'avenir de Roller en ligne. Oui, du coup, effectivement, au fil des années, on a pas mal évolué et notre stratégie a un petit peu changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc maintenant, on se concentre sur des contenus de fond. Et moi, j'aime à dire en fait que Roller en ligne, par pas mal d'aspects, est une espèce de Wikipédia du roller. D'ailleurs, ça m'arrive à titre bénévole d'intervenir sur Wikipédia pour éditer ou compléter des articles. Donc nous, notre logique, maintenant, c'est qu'il y ait une base de données d'informations durables qui se construisent au fil des années et qui permettent de, voilà, d'être utiles aux gens dans la durée. Et donc, plus particulièrement, j'essaye d'éclairer un petit peu les gens, surtout à l'heure actuelle, sur l'histoire du roller, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de préjugés sur la pratique. Oui, Alexandre? Oui, Ah, je me suis arrêté parce que j'entendais du monde derrière toi. ouais, ah, d'accord. non, non, c'est bon, Mais tu peux y c'est bon, aller. donc je peux continuer sans qu'il y Tu peux ait de continuer problème. sur la pratique. Et justement, en fait, moi, je pense que les gens, en fait, ne se posent pas les questions. C'est un petit peu. Toi, tu te les poses de savoir qui est arrivé en premier, si c'est le quad ou le roller en ligne. Mais je pense que les gens ne se posent pas ce genre de questions, en fait. Alors, c'est toujours bien de prêcher la bonne parole, hein. Enfin, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, en fait, moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que souvent, en fait, les gens ont l'impression de tout réinventer régulièrement. Et franchement, j'ai vu beaucoup, beaucoup de patineurs et de patineuses s'imaginer que, alors qu'ils arrivaient dans le métier, entre guillemets, qu'ils avaient 1 ou 2 ans de patin, qu'ils savaient tout sur tout. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans le quad, notamment, avec des personnes qui sont arrivées très récemment là-dedans et qui avaient l'impression de tout maîtriser, qui juraient que par telle ou telle marque, et qui disait, ouais, c'est génial, ça, regarde, ça a été inventé il n'y a pas longtemps, c'est trop bien. Et puis, en fait, toi, tu as envie de leur dire, non, mais réveille-toi, gars, ce que tu me dis là, ça a été fait il y a 100 ans. Et c'est un peu ça, moi, qui m'a fait venir aussi à l'histoire, c'est faire tomber les préjugés. Parce qu'il y a là, en ce moment, mon dada du moment, c'est de faire le tour de tous les brevets qui ont été déposés depuis la création du patinage à roulettes. Et je me rends compte qu'en fait, toutes les innovations des patins d'aujourd'hui, la plupart, elles existaient il y a 100 ou 200 ans. C'est-à-dire qu'on a rien inventé en fait. Le tampon de frein chez Rollerblade, il existait il y a 150 ans. Les chaussures qui venaient se fixer avec une platine, c'est pareil. Au début du XXe siècle, ça existait déjà. Là, je suis en train d'écrire un article ce soir là sur le roller soccer. Alors, Zach Phillips, l'Américain, a tendance à dire « Ouais, c'est moi qui ai inventé le roller soccer en 95, en 1995. Bah, » J'ai trouvé des traces un siècle avant, en France et en Angleterre. Et ça s'appelait du football en patin, quoi. Voilà, tout simplement. Et il y avait des équipes pro. Donc, il y a un moment, voilà, il faut remettre les choses en perspective et c'est important de se pencher un peu sur son passé pour comprendre d'où on vient. Parce que ça évite de partir dans des inepties et de gober n'importe quoi quand quelqu'un vous dit quelque chose sur du matos. Bon, c'est un petit peu, voilà. Moi, j'aime bien cette idée de tout le travail que je fais là, à l'heure actuelle, j'espère qu'il me survivra à terme. J'espère que tu laisseras une trace dans l'histoire du roller, quoi, parce que c'est vrai que c'est un travail de fond que tu fais et ça pourra servir d'autres personnes qui feront des thèses après leur DESS ou leur master qui pourront s'appuyer sur tes recherches, quoi. Ce serait cool, en tout cas. Je vais quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Les précurseurs à ce niveau-là, ça a été Maurice Straub, un Américain en 1944, qui a écrit un super bouquin là-dessus qui s'appelle Roller Skating Through the Years. Donc le patinage à travers les années, qui lui a été un des principaux défricheurs, qui avait fait un super boulot à l'époque. Et puis derrière, en 1991, il y a le livre Rollermania de Sam Niedzwiski, qui lui, pareil, là, c'est l'historien français. Alors je devrais pas l'appeler historien normalement, parce qu'il faut avoir un titre, pour avoir un titre assez particulier. Mais Sam, il a fait un travail incroyable. Et si lui, il avait pas été là, on n'en serait pas là aujourd'hui au niveau de l'histoire du patinage. Eh ben, espérons que d'autres personnes disent la même chose de toi dans 50 ans. En tout cas, j'ai défriché quelques trucs que les autres d'avant n'ont pas trouvé, je suis assez content. Ah bah voilà, c'est cool ça. Qu'est-ce que tu ressens quand tu défriches un truc comme ça, justement, quand trouves quelque chose que les autres n'ont pas trouvé ? Je le partage tout de suite. Oui, ouais, voilà, tu te retournes et tu fais « Ouais !» Non, mais je l'appelle Sam, parce que Sam, je suis resté... Sam, il a 94 ans aujourd'hui. J'appelle Sam et je lui dis Sam, tu sais, dans ton bouquin, tu te posais cette question-là. Bah, j'ai trouvé la réponse et je lui envoie la réponse. Et en fait, et même des fois, je trouve des pistes sur des choses qui sont liées à l'histoire du patinage et je les échange avec d'autres qui sont passionnés par le truc. Et ensemble, on trouve des réponses. Et ce que je trouve génial là-dedans, c'est que on construit des réponses à des questions à plusieurs. Et notamment, Sam, dans son bouquin, il parlait de l'inconnu de la place de la Concorde. Et en fait, en faisant des recherches il y a 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte que l'inconnu de la place de la Concorde dont il parlait, c'était Constant, alias Louis le Grand, qui avait créé une paire de patins en 1849, qui ont servi dans un opéra qui s'appelait Le Prophète, qui avait été écrit par Meyerbeer. Donc ça paraît tout bête comme ça, mais faire le lien entre Constant et le Grand, il fallait le trouver. Ouais. Et puis derrière, ça m'a permis de trouver qu'il y a d'autres gars qui ont fait la même chose sur la place de la Concorde, qu'il y avait Bona notamment qui avait fait ça. Et ce qui est marrant, c'est que le boulot que j'ai fait au niveau du patinage à roulettes, je me suis rendu compte au fil des années en fait qu'il était parallèle à celui du vélo. Le vélocipède en fait a été créé à peu près en même temps que le roller. Et par exemple, Garcin en 1828, qui est un des plus connus au niveau des patineurs. Il distribuait en France, il vendait des draisiennes à Paris. Et il a commencé par là. Et ensuite, du coup, j'ai des chercheurs américains ou même français qui m'appellent et qui me disent « Est-ce que vous avez des infos sur telle ou telle personne ?» Ah, je dis « Bah ouais, carrément, ouais, il est patineur, machin, tout. » Donc, on échange nos données. Et du coup, je me retrouve régulièrement à échanger des données avec des chercheurs aux États-Unis ou en France. Quoi. Oh, bah c'est cool, ça. Et c'est ça que je trouve génial, en fait. Mais ça se fait des fois avec des bénévoles. Par exemple, là, à Toulouse, il y a Xavier. Xavier, je ne donnerai pas son nom de famille, mais Xavier, je lui envoie des défis de temps en temps. Je lui dis, tiens, trouve-moi des trucs là-dessus. Et paf, une heure après, il revient et il me trouve des articles, des coupures de presse de 1800, 1900. Et ça nous permet de structurer, de charpenter les articles qui paraissent sur Roller en ligne. Donc, c'est jamais un travail individuel. Il y a toujours quelqu'un qui est passé avant vous, qui a fait une trame, qui a fait un sillon dans la terre. Et puis vous, derrière, vous semez et vous récoltez un petit peu, quoi. Ah ouais, non, mais c'est passionnant, quoi. C'est clair que c'est vachement intéressant. C'est quoi l'interview que t'as préféré faire? Ouais, c'est pas évident. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. J'en avais fait près de 400, des interviews sur le site. Et il y a des fois, je crois que les meilleures, en fait, c'est celles que j'ai foirées. J'en ai foiré une, notamment avec Joey Mantia, qui est quand même un patineur incroyable, qui n'est pas forcément le plus fréquent en France, on l'a pas beaucoup vu. Joey Mantia, il est venu sur quelques courses en France. Et c'était une star à l'international. Joey, il est super, il est très américain dans son fonctionnement, quoi. Et un jour, il est venu en France et on a discuté pendant, je pense, 2 heures facilement dans sa chambre, à l'hôtel. Et il m'a raconté plein de trucs et mon enregistrement avait pas marché. Et du coup, j'ai tout perdu. Mais Ouais. j'ai passé 2 heures à discuter avec Mantia, à faire ça. Et c'était un truc de dingue. Et des mecs comme lui, j'en ai rencontré un paquet, quoi. Et des Français aussi, hein. Moi, franchement, les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est Briand, c'est Guyader pour la course. Mais il y a aussi des portraits de femmes incroyables, quoi. Et si quand ton enregistrement n'a pas marché, t'as fait comment après? Tu... Je l'ai pas restitué. Je l'ai pas Ouais. restitué, malheureusement, parce que je voulais pas déformer les choses. Et après, de temps en temps, des fois, j'ai la surprise de retomber sur des vieux trucs. Donc, je referai des portraits, en fait. C'est-à-dire que je ferai des portraits et je ferai pas des saisies de parole. C'est-à-dire que je prendrai la personne et je retracerai sa carrière. J'ai essayé d'avoir Chad Hedrick, qui était quand même un des patineurs les plus dingues. Alors, je l'ai eu plusieurs fois sur les réseaux sociaux et en discussion, mais jamais il a pris le temps de me répondre vraiment. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, je désespère pas. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une interview du premier DTN de la Fédé. Donc, ça, je la sortirai dans quelques temps. Du premier quoi? DTN, directeur technique national. Ah oui, d'accord, directeur, ok. En 80 et des poussières. Donc, D'accord, ouais. ouais, Ah bah voilà, moi je. mes grands plaisirs, c'est ça, c'est de rencontrer quelques personnes qui ont fait un petit peu le sel du patinage à une époque. J'aime bien les gens qui ont des fortes personnalités, mais qui sont humbles malgré tout. Il y a beaucoup, en fait, dans les champions, il y a beaucoup de gens qui sont des grandes gueules, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un caractère bien trempé, parce que de toute façon, pour être champion du monde, il Oui, faut quand même avoir du caractère. tout Mais à qui fait. derrière ont des failles et puis sont humains quoi. Et quand ils arrivent à te montrer ce côté-là et malgré tout à se dévoiler un petit peu, c'est ça qui fait les meilleures interviews, je pense. Ouais, J'ai une petite pensée pour Serena Giraud, tiens d'ailleurs, qui a arrêté le patinage il y a pas longtemps et qui est vraiment une personne exceptionnelle. Patinage artistique en ligne, qui fait championne du monde il y a quelques mois et qui s'arrête dans la foulée. Voilà. ouais. Tout à fait, ouais, d'ailleurs, je sais plus si. Non, je ne l'ai pas contacté, mais j'ai failli la contacter. Donc, ouais. Ok, quelles sont les tâches les moins intéressantes à effectuer sur Roller en ligne? Ben, ouais, alors, il y a une époque où on travaillait énormément à saisir tous les calendriers. Et ça, c'est une tâche qui est assez rébarbative parce que, effectivement, saisir chaque championnat de chaque journée de chaque championnat des sports co, c'est pas forcément le plus intéressant. Par contre, avec le recul, ça va me servir pour des outils sur lesquels je travaille actuellement. Notamment ce que j'appelle le module éphéméride. Ce que je suis en train un petit peu de lancer sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est-à-dire une journée et je vous dis quel événement il y a eu ce jour-là dans l'histoire du roller. Et le fait de saisir des calendriers, bah, ça va être un peu ça. Donc là, en fait, honnêtement, hein, depuis que j'ai créé le site, j'ai fait des tonnes de saisies rébarbatives. Hein. Par exemple, tu vois, quand tu saisis des fiches produits de 4 000 ou 5 000 paires de patins, quand tu saisis 6 000 lieux de pratique, c'est chaud, quoi. Ah ben c'est du boulot, hein. C'est vrai Ouais. que ce serait dommage que ce soit pas quelqu'un de la Fédé de hockey qui vienne le faire sur ton site, quoi. À ta place, ce Non, serait mais plus après, sympa, quoi. aujourd'hui, il y a des méthodes plus modernes, on pourrait injecter les données. Oui, tout à fait. Et Ouais. voilà, Ah bon, ouais. toujours est-il qu'il y a des personnes, notamment, alors je vais dire le pseudo, hein, Sanglier76, donc c'est Aurélien Gachet, qui est là et une des personnes qui m'aide le plus hein, à l'heure actuelle sur le site et qui fait une partie de ces tâches rébarbatives-là, quoi. Et heureusement qu'il y a quelques bénévoles qui m'allègent un peu de ces trucs-là, parce que derrière, il y a d'autres choses, quoi. Il n'y a pas que l'éditorial, il y a aussi tout l'administratif de l'asso à faire. Et mine de rien, bon, ça prend un peu de temps, quoi. Eh ben, ouais. C'est quoi ton support préféré pour t'exprimer? C'est les articles, les vidéos, Naturellement, je suis quelqu'un de l'écrit. Alors, c'est peut-être une histoire de génération. Mais bon, j'ai été élevé dans une famille de profs, dans laquelle l'orthographe et la belle écriture étaient importantes. Ça a été très valorisé pendant mes études aussi. Et je pense que naturellement, c'est la chose qui me vient le plus facilement et qui est la plus agréable. Après, pour autant, je trouve que la vidéo a vraiment une dimension supplémentaire qui est utile et indispensable pour aller chercher les générations d'aujourd'hui. Alors, je vous cache pas que ça m'ennuie un petit peu de faire de la vidéo, parce que j'ai beau aimer ça, c'est extrêmement lourd à faire, ça prend beaucoup de temps. Et quand vous écrivez un article, derrière, le retranscrire sous forme de vidéo, c'est galère. Podcast, bah écoute, j'y viens un petit peu grâce à ton intermédiaire. Et je trouve que c'est un format qui est intéressant, d'autant plus qu'il y a des. On se rend compte que finalement, on n'est pas trop limité par le temps. Ouais, tout à Et fait. que les gens écoutent malgré tout. Et en fait, l'avantage du podcast, c'est que les gens peuvent faire autre chose. Enfin, moi, j'écoute en voiture, mais c'est vrai que les gens écoutent en faisant la vaisselle ou le ménage et en faisant plein d'autres choses, quoi. C'est ça. Donc, contrairement à la vidéo, effectivement, où on est obligé d'avoir les yeux dessus, et contrairement aux articles où on est obligé d'écrire, effectivement, le podcast, il a cet avantage-là, de pouvoir se faire en parallèle d'autres choses. Et à l'heure où les réseaux sociaux accaparent 1 heure et demie de cerveau par jour, je me dis que c'est peut-être une opportunité de développement pour les contenus de roller en ligne. Ouais, mais c'est voilà, à voir, parce que moi je j'arrête à la fin de Ouais, au ce que début tu disais, ouais. d'été, mais ouais. Mais si quelqu'un pouvait prendre ma relève, je serais super content et je pourrais lui donner tout ce que j'ai appris en quelques années de podcast, parce que j'en avais un autre avant aussi. Donc moi je donne tout ce que je sais, voilà, il n'y a aucun souci. Et Et comme je te disais toi, et comme j'avais dit à Kevin à l'époque pour Mediaskate.com, quand on avait créé Mediaskate, on peut intégrer ça à Roller en ligne et ça peut être durable. C'est-à-dire que le site, il a cette vocation-là aussi de garder ces choses-là, de les structurer, de les hiérarchiser. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe pour cette partie-là. Et comme tu disais, l'écrit est naturel pour toi, mais je pense pas que ce soit une question générationnelle, hein. Je pense que juste que toi, bah, voilà, tu aimes l'écrit parce que t'es, Ouais, c'est plus culturel, c'est la culture voilà, c'est familiale, plus en fait. culturel que générationnel, hein, à mon avis. Ouais. Combien de temps ça te prend, donc, roller en ligne? Et comment tu gères le temps que tu y passes? Ben, honnêtement, je suis obligé d'y passer moins de temps que quand j'étais plus jeune, parce qu'après, il y a les obligations familiales. Moi, si je pouvais en faire mon métier et en faire ma vie, je le ferais. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. J'y passerais sans problème 8 heures par jour. La fleur au fusil, gaiement, quoi. Il n'y a pas de problème. À l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire que j'y passe entre 2 heures à peu près en plage basse et quand j'ai le temps, beaucoup plus. En Par général, jour, c'est quand je ouais. me fais engueuler que j'arrête, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment une passion, quoi. Ouais, Et ouais. qui perdure toujours, quoi. Ça J'ai eu c'est. un petit passage à vide au moment où on a créé, initié la nouvelle version. Juste avant, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à la sortir. Ça a été très compliqué. Et puis, pendant cette période-là, vu qu'il fallait que je gère tous les aspects développement et gestion de projet, ça m'a épuisé. J'ai pas trop écrit. Mais là, depuis que la nouvelle version est en ligne, ça m'a refilé un coup de fouet et je suis au taquet, quoi. Ouais, bah, ouais. Je vois ça, c'est toi qui écris le plus d'articles, hein, de toute façon, donc ça se voit bien, quoi. Pourquoi donc t'as fait un site de roller en ligne et pourquoi t'as pas fait autre chose comme ouvrir un magasin ou une patinoire roller? Bah, moi, la question s'est jamais vraiment trop posée en fait, parce que j'ai fait ce que j'aimais. J'ai fait ce que j'aimais, c'est-à-dire écrire. Et alors, magasin de roller, pour le coup, j'ai un peu vécu ça parce que j'ai quand même travaillé dans des shops spécialisés à une époque. J'ai travaillé chez Moana notamment. Ça devait être en 2009-2010. Puis après, j'en avais vendu en grande surface, quoi, en spécialisé chez Decat. Et franchement, je me voyais pas forcément là-dedans parce que la relation client. Alors j'aime bien discuter avec les gens, mais des fois on tombe quand même sur des personnes qui sont pas forcément là pour acheter et qui peuvent être très désagréables. Enfin bon, j'ai pas forcément gardé des super souvenirs de la vente, pas de tout en tout cas. Encore le roller, ça allait parce que c'était les produits passion, mais non, moi ce qui me plaît c'est vraiment l'écriture, donc je reste dans ma logique. Pour la patinoire, j'essaye d'être, comment dire, d'être pragmatique. Je suis un entrepreneur, mais j'ai pas envie de prendre des risques inconsidérés. Et honnêtement, ouvrir une patinoire, faut vraiment avoir une idée en béton, un concept en béton pour le faire. Et sur Roller en ligne, on en référence beaucoup. Et depuis 20 ans, je les vois ouvrir et je les vois fermer. Il y en a quelques-unes qui perdurent, et je leur tire mon chapeau. Mais franchement, c'est pas évident, quoi. Ouais, je pense que là c'est le moment, mais parce qu'il y a un renouveau du Ouais, mais roller c'est quad des vagues. mais voilà, comme tu dis, j'ai dit c'est le moment, donc c'est une En vague en fait, fait. si tu veux, j'étudie l'histoire du roller depuis quoi, 10-15 ans maintenant. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, Depuis la création du patin, enfin, et plus particulièrement depuis la création du quad en 1863, les modes, elles vont et elles viennent énormément. Et la plupart des lieux, enfin, même 100% des lieux, ont fermé à un moment ou à un autre, et dans des délais relativement courts. Donc, tous les beaux skating rinks qu'il y a pu y avoir en Angleterre, à Londres, par exemple, il y en avait 60, à Paris, il y en avait 40 à la fin du 19e. Ouais. Tous ces lieux-là, ils ont disparu aujourd'hui. Donc je me dis, quel est l'avenir professionnel dans ce secteur-là? C'est pas évident. Alors je dis pas ça, je veux pas démoraliser les créateurs de patinoires, hein, parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à se diversifier et avoir des modèles où il n'y a plus que du roller dedans, mais il y a d'autres choses. Avec des Bah c'est ce séminaires qu'il et des faut choses faire comme de toute ça. façon. Ouais. Mais un lieu pur roller, c'est compliqué, hein. La main jaune, c'est un très bon exemple, quoi. Ça a fermé, Là. la main jaune, Ouais. ouais, qui a un porte de Champéret, qui était une boîte de référence. A été dans la boom avec Sophie Marceau et qui a fermé malgré tout. Et malgré de tentatives de réouverture, ça n'a jamais marché. Bah, c'est ça. Et même moi, je vois les bowling, ils font pas que bowling, hein. À côté, il y a billard, salle de jeux vidéo, enfin. La complexité du patinage à roulettes, c'est simple, hein. C'est quand vous ouvrez une salle, il vous faut de la surface. Et quand vous voulez avoir de l'audience, du trafic et du public, une zone de chalandise, il vous faut être en centre-ville. Et là, vous vous retrouvez avec une problématique où vous avez un mètre carré qui est extrêmement cher et derrière, vous devez le rentabiliser. Sauf que quand vous êtes au fin fond de la Cambrousse, bah, y a peu de monde qui vient vous voir parce que c'est là que le terrain est moins cher. Donc voilà, le roller, c'est très compliqué de le mettre à l'intérieur. Ok, je vais passer à la, je vais sauter à la dernière question que j'avais prévue puisque tu y as déjà répondu en partie, et je vais passer aux questions de fin d'interview. Avec quel matériel tu roules? Ah, la question qui tue. En quad ou en ligne déjà? Ben, les deux, en fait, mon colonel. Ok. C'est-à-dire que la semaine, je suis en flâneur pour prendre mes transports en commun. Donc Donc, flâneur, des patins détachables c'est quad. ce que j'allais dire. Voilà, oui. Alors, j'ai une paire de baskets qui tient super bien le pied sur lesquelles j'ai mes flâneurs. Ça me permet de rouler même sur le mouillé, parce que le quad, ça tient super bien sur la pluie, même sur le marbre mouillé, ça tient. Et du coup, à Bordeaux, bah, quand je rate un tram ou que le tram est en panne, eh ben, ça me permet d'aller taffer de manière assez fluide. Et puis, bah, le reste du temps, je tourne avec plein de paires différentes. Ça, parce que, en fait, j'ai des phases avec des disciplines. Et aussi en fonction du matos que m'envoient les marques à tester. Là, en ce moment, je suis bien branché sur le speed slalom. Mais bon, il y a quelques mois, c'était le slalom freestyle. Et puis, encore avant, j'ai fait de la course. J'ai aussi acheté récemment des patins d'occasion qui me permettent de faire de la roller dance de temps en temps. Donc j'ai pris une vieille paire d'artistique avec des platines variantes et voilà. Et je fais un peu de tout en fait. Pour moi, tu peux pas envisager le patinage autrement que comme une multitude de sports qui se complètent. Et quelqu'un t'as fait une interview il y a pas longtemps de Sylvain Bert. Exactement, il a dit la même chose que Eh ben toi, j'allais te le dire, ouais. Sylvain, il a tout compris. Et comme plein de grands champions de roller, il a tout compris. C'est-à-dire que si tu veux être bon dans ton sport, t'es obligé de faire de tout. Et les meilleurs champions en roller, ils ont fait de tout. Et moi, ce qui est génial avec le roller, c'est que c'est ça, quoi. C'est que tu peux pas avoir de lassitude si tu t'ouvres à d'autres disciplines. Donc j'ai fait de l'artistique, en quad et en ligne, un petit peu. Je me suis initié, j'ai fait un peu de danse. J'ai fait du street hockey à une époque, j'ai fait du slalom, j'ai fait du freeride et du street. J'ai même fait du street jusqu'à 26 ans, que je me pète les genoux. Ouais, Mais voilà ouais. quoi, c'est comme ça qu'en fait aujourd'hui je suis capable de faire plein de trucs en patin qu'il y a des champions de roller ne sont pas capables de faire. Et j'ai régulièrement des anecdotes où effectivement t'as un mec qui est champion du monde mais il sait pas patiner en arrière. Alors ça c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a une époque où c'était ça. T'étais tellement spécialisé dans ta discipline que tu savais rien faire d'autre. Et je me souviens en 2018 quand je me baladais comme un âne avec mes quads au championnat du monde artistique en Vendée à La Roche-sur-Yon. Les patineurs artistiques, quand ils me voyaient faire le con sur les esplanades toutes pourries de cailloux, complètement défoncées avec des quads, ils hallucinaient, quoi. Alors qu'en fait, les mecs, ils étaient vachement meilleurs que moi. C'est juste qu'ils patinent pas autre chose qu'à l'extérieur, qu'à l'intérieur. Ouais, mais ouais, c'est ça. Et oui, longtemps, je me suis posé la question, mais qui est-ce qui sait le mieux patiner en fait? Est-ce que c'est, alors c'était quand je faisais du hockey, donc est-ce que c'est le hockeyeur ou est-ce que c'est celui qui fait du patinage artistique? Et bon, il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Hein. C'est pas, c'est chacun est spécialisé dans sa discipline, Ouais, mais quoi. c'est quoi la définition De bien patiner. ouais, de bien patiner en fait? Voilà, Pour c'est moi, ça. c'est quelqu'un qui patine bien, c'est quelqu'un qui est capable d'anticiper toutes les situations et de pas finir au sol quand il y a un imprévu. Et après, ouais, effectivement, en intérieur, c'est pas les mêmes pratiques. Mais voilà, c'est quelqu'un en fait qui oublie ses patins pour moi. Et j'ai plein de souvenirs comme ça avec Luc Bourdin, qui est, ce que je vous disais, c'est un bon pote, un bon copain. C'est un bon pote, on se marre bien sur les patins et des fois on est avec nos rollers au pied, on les garde tellement qu'on les oublie, quoi. Et on est en train de courir dans les marches, de les monter, de les descendre, de faire des sauts, des trucs, et t'oublies que t'as tes patins au pied. Et quand t'en es là, c'est que c'est bien déjà. Ouais, ah ouais. Et oui, moi je vais pas rebondir dessus, mais oui. Est-ce que tu as des... Dans combien de temps tu passes sur des rollers par semaine? Ici, ça dépend de la pluie, mais ouais, voilà, c'est ça, entre 5 et 8 heures par semaine à peu près, ça dépend. Là, j'ai fait le week-end dernier, j'ai fait 3 heures de slalom speed d'affilée. Et en plus, moi, je suis un peu stakhanoviste, c'est-à-dire que quand je commence, je fais pas beaucoup de pauses. J'ai beaucoup, beaucoup fait d'endurance à une époque où je me faisais des raids très longue distance, donc je faisais des 700, 800 bornes à une époque où ça marchait bien. Donc, ouais, je peux passer beaucoup, beaucoup de temps sur les patins. Après, je préfère avoir des petites doses régulièrement plutôt que des grosses coupures. D'accord, ok. Est-ce que tu as des idoles? Ouais, ce que je te disais en préparant ces interviews, je suis pas, c'est pas mon état d'esprit d'idolâtrer des gens. D'autant plus que avec Roller en ligne, en fait, en 20 ans, j'en ai croisé quand même pas mal. J'en ai vu qu'il y avait un sacré melon. Et non, en fait, souvent c'est des gens qui sont humains derrière et il faut juste réussir à voir ce qu'il y a en eux au-delà de leurs exploits sportifs. Et la plupart du temps, c'est des gens qui ont des choses vraiment intéressantes à partager. Donc, moi, si je devais en citer un seul, ce serait mon mentor. Celui que je considère comme mon mentor, c'est Sam Niedzwiski, ce que je vous disais tout à l'heure. Sam, c'est un vieux monsieur de 94 ans maintenant, mais c'est lui qui a un petit peu. On va dire qui m'a insufflé ma passion de l'histoire du roller et qui m'a vraiment donné envie de travailler sur ces thématiques-là. Et je pense que ouais, c'est le jour où lui partira, je pense que ça va peser très lourd pour moi. Ok. Pourquoi est-ce que tu aimes le roller? Là là, si je savais. C'est, je sais pas, mais c'est une espèce de drogue autorisée, quoi. C'est un truc, putain, je chausse mes patins, j'ai l'impression de redevenir un gosse et ça t'arrache à la gravité, tu vas vite sans effort, enfin, quand t'as un bon niveau, hein, je parle. Oui. Et t'as Mais pas cette sensation quand t'écoutes de la musique? non, mais franchement, en fait, le patin, j'arrive pas à l'expliquer, mais dès que je m'arrête un petit peu trop longtemps et que je rechausse, mais je suis comme un gamin, ou tu vois, comme quand ton chien il a envie d'aller dehors, tu vois, et qu'il voit que tu prends la laisse et il est au taquet. Parce que il voit que tu prends la laisse, il a compris qu'il va aller dehors. Et ben moi, quand tu me mets les patins, c'est ça. Je suis au taquet, mais un truc de dingue. J'arrive pas à l'expliquer. Ça fait tellement de bien. Tu te déplaces au milieu de tout avec une fluidité, une facilité. T'as les gens qui sont bloqués dans leur bagnole à faire la gueule dans les bouchons, et toi, tu passes à côté. T'es limite en train de te marrer. Et tu fais, mais qu'est-ce que tu fous dans ta caisse, quoi? Sérieux? Ah ouais, moi il y a quelqu'un qui m'avait dit oh, au 14 juillet, ah, c'était à l'époque où il y avait encore des feux d'artifice, donc il y a un monde pas possible quoi au 14 juillet, et donc je suis à Nantes quoi. Il fait bah, j'étais en roller et en fait c'est trop bien quoi, tout le monde était à marcher et moi j'allais beaucoup plus vite qu'eux avec mes rollers et c'était trop cool quoi. C'est ça te, en fait, ça modifie la perception du temps et de l'espace. Pour moi, c'est ça. Et là où tu le ressens le plus, c'est en raid longue distance. Tu te retrouves dans un état méditatif un petit peu second, Ouais. et ça change tout. Bah, ouais, ça après c'est comme toutes les randonnées quoi. C'est sûr que quand tu fais un effort prolongé, effectivement là tu commences comme tu dis à méditer. Ouais, tu le retrouves ailleurs, effectivement, dans d'autres sports Ouais. où ça te sollicite beaucoup. Quels sont tes objectifs à proche et à long terme? Alors, les objectifs proches et long terme, effectivement, ouais, j'ai envie de passer une thèse sur le roller. Alors, je sais pas forcément pour la thèse en tant que telle, mais plus pour faire de la recherche à terme sur le sujet et puis publier pour effectivement qu'il y ait des contenus qui soient un peu des contenus officiels et pas juste des contenus en ligne sur lesquels des gens pourraient s'appuyer. Il faudrait trouver un financement Ah ou bah, pas? là, de toute façon, si t'en fais un métier, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas vivre en parallèle Et faire une thèse en parallèle gracieusement, c'est pas réaliste. Faut, c'est 3 ou 4 ans de boulot. C'est, tu peux pas te permettre de faire ça en bénévole, quoi. Ouais. Et puis après, un des objectifs que je poursuis à terme et que je désespère pas de mettre en place, c'est d'abord un musée virtuel du Rollin. Et puis après, dans l'idéal, réussir à faire un musée physique. Mais en fait, le musée physique, alors c'est une quête qu'on a avec d'autres patineurs passionnés. Notamment, il y a Christophe Audouard qui est extrêmement passionné aussi par l'histoire du roller. Mais il y en a d'autres hein, que lui, il y en a plein en France, quoi. Enfin, plein. J'en connais 5 ou 6 qui sont vraiment à fond là-dedans. Et je pense que si on réunissait toutes nos collections respectives, on aurait vraiment un truc qui a de la gueule. Et d'autant plus que tu vois, Sam a indiqué qu'il potentiellement sa collection risquait de partir dans un musée à l'étranger. Et je trouve dommage qu'en France, on n'ait pas un lieu où on puisse garder cette mémoire-là de tout ce qu'il a accumulé dans les années passées. Parce que c'est, comme on dit, quand il y a un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui, Donc, tout à fait. moi, ça m'ennuie de voir de la culture, des pans de culture qui vont disparaître comme ça ou partir ailleurs et être stockés dans des musées au fin fond d'une cave. Je trouve ça dommage, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais pour atteindre ces objectifs? Bah, je commence par la base. C'est-à-dire que déjà en ce moment, je suis en train de mettre à plat tous les contenus que j'ai pu écrire sur le roller depuis 15 ou 20 ans, notamment sur toute la partie historique, pour tout restructurer et pour pouvoir à terme les mettre à disposition. Oui, c'est un boulot de titan, hein, mais bon, j'adore ça, quoi. Donc c'est pas, je considère pas ça comme un travail, quoi. C'est vraiment un hobby. Ok, donc quelle est la question que l'on te pose toujours et à laquelle tu en as marre de répondre? Ouais, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est ce que je te disais. Ouais, alors, enfin, maintenant on me la pose moins, hein, honnêtement. Mais il y a une époque où c'était, alors, tu vis de roller en ligne, tu gagnes bien, vous êtes nombreux à en vivre. Ouais, je roule en Ferrari et puis je me suis acheté une paire de patins plaqués or. Non, non, ça a donc été. maintenant, ouais. Non, non, faut être réaliste, c'est ce que je te disais sur l'étude. Les gens, ils se rendaient bien compte qu'on était nombreux à travailler dessus, mais non, il y a rien de rentable. Et on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le fun. Eh oui, c'est très bien comme ça. Enfin, c'est vrai que ce serait mieux si c'était rentable. Bah moi en Mais fait bon. c'est dans l'idéal, si je pouvais avoir juste ce qu'il me faut pour vivre, pour pouvoir continuer à bosser sur un sujet qui me plaît plutôt que de faire des boulots qui sont pas forcément passionnants, parce que si tu regardes, alors j'ai fait des travaux intéressants hein, au fil des années, hein, mais ça restait pour beaucoup, ça a été du travail alimentaire, quoi. Les périodes où j'ai fait des boulots qui n'étaient pas du boulot alimentaire, elles sont pas si nombreuses finalement. Donc à la question inverse, quelle est la question que l'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre? Bah ouais, alors j'aurais tendance à faire une référence à une série télévisée qui est sur Netflix notamment, entre autres. Je fais un peu de pub, mais bon, il n'y a pas que, hein. Même ça a été diffusé sur TF1 aussi, vu qu'on en est à citer. C'est New Amsterdam. Dans New Amsterdam, le directeur de l'hôpital, donc c'est une série hospitalière, son D'accord. slogan c'est How can I help? Comment je peux aider? Et j'adorerais que les gens viennent me voir et me dire. Et qui me disent comment je peux aider Roller en ligne. Alors, c'est pas forcément financier, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, mais si on arrivait à se reconstituer une belle équipe de bénévoles pour travailler sur toutes ces thématiques-là, toutes les thématiques de l'apprentissage, de la culture, du roller, de la vulgarisation de la pratique, d'une manière générale, il n'y a pas forcément besoin de décadors. Hein. On a eu plein de champions du monde dans les équipes, mais c'est pas forcément ça qu'on recherche, quoi. C'est bien d'avoir juste des gens qui ont envie de nous allouer quelques heures par mois ou par semaine. Ouais, et plus on est nombreux, moins il y a de boulot. Donc, Exactement. Et plus les enfin, projets peuvent être potentiellement. ambitieux aussi. Oui, ah ouais, bah c'est clair. Moi, quand je suis arrivé ici et que je me suis dit, ah, cool, je vais essayer de recruter du monde pour m'aider au podcast, bah mince, il n'y a pas eu grand monde, quoi. Il y a eu Priscilla et toi, quoi. Ouais, Mais mais bon, c'est bien. la Déjà, on a. difficulté, alors à l'heure actuelle, le bénévolat, il s'érode. Auparavant, les gens s'investissaient dans la durée. Et aujourd'hui, on est plus sur des missions ponctuelles. Donc, j'ai pris l'habitude, en fait, au sein de l'asso, d'avoir des gens qui passent, qui font soit un article de temps en temps, soit 2, 3 articles, et puis au bout de quelques semaines, on les voit plus. Mais voilà, bon, écoute, on prend ce que les gens veulent bien donner, et on est reconnaissant déjà à tous ceux qui s'investissent un petit peu. Voilà, bah je ferai partie de ces gens-là sûrement. Donc, Mais bon, voilà, au moins j'aurais donné un petit quelque chose. Ouais, merci à toi. Ouais. À quel âge est-ce que tu arrêteras le roller ? Comme je disais souvent à des amis qui me posaient la question, c'est quand je pourrais plus marcher, à mon avis. Et à chaque fois, je pense, j'ai plein de gens qui viennent me voir quand je fais du slalom sur les quais à Bordeaux et qui me disent « Oh là là, c'est super bien, vous avez mis combien de temps pour arriver là ?»« Oh, moi, à mon âge, je pourrais pas démarrer, quoi. » Et souvent, les personnes, ils ont une cinquantaine d'années. Mais y a, franchement, il n'y a pas d'âge, quoi. Enfin, si on y va doucement, il n'y a pas de raison. Et Sam, il faisait du patin à 78 ans. Et moi, j'ai bien l'intention de réussir déjà à arriver à cet âge-là et puis à refaire à cet âge-là, quoi. Ok, est-ce que tu aurais des astuces pour les rollers, préparation du matériel ou nourriture ou autre? Ouais, ce dont on parlait avec Sylvain Bert tout à l'heure, par rapport à Sylvain Bert, c'est si vous voulez être bon en patin, variez vos pratiques constamment. Arrêtez jamais d'essayer d'autres choses, de vous lancer des petits défis. Bah tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, ça et ça. Faut pas avoir honte de faire de la danse en patin, quoi. Ça fait. En plus, vous faites des rencontres qui sont sympathiques. Quand vous essayez plein de sports, vous rencontrez plein de mondes différents, avec des cultures différentes. Et il y aura toujours à gagner. Et j'ai souvenir d'avoir fait des cours d'artistique inline il y a 15 ans, à l'époque où ça existait à peine, avec des gens qui venaient du patinage sur glace, donc des standards qui n'étaient pas les mêmes. Et ben, maintenant, ces acquis-là, je les utilisais en slalom, derrière en slalom freestyle. Quand j'ai appris à faire du slalom en marche arrière, et ben, la marche arrière, une fois, je me suis retrouvé en course. Je me suis retrouvé en arrière sans le faire exprès parce que j'ai failli perdre l'équilibre et tomber. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans une méga descente. Et ben, grâce à la descente que j'avais pratiquée avec des copains, et ben, j'ai pu freiner en faisant des parallèles. Donc y a... ça, c'est mon prochain truc que je veux apprendre, le ouais, power ça, slide. Ça fait mal. Non, le power slide, ça va, c'est peinard. Le power slide, je t'apprends sans problème. Mais le vrai slide parallèle, c'est vraiment chaud, quoi. Oui, moi je veux commencer par le power slide. Je me dis que ça doit être plus facile. Donc ça, je te brief, y a pas de problème. Ouais, j'ai vu quelques vidéos sur internet, je vais essayer de reproduire ça et on va voir ce que ça va donner. Bon, t'as déjà répondu à cette question, donc un de tes meilleurs souvenirs en roller? Ouais, ce que je disais, à chaque fois que je chausse mes patins, je me sens comme un gamin. Et c'est cette sensation, à chaque fois que tu rechausses, de pouvoir te déplacer rapidement, facilement, d'avoir l'impression d'être intouchable, un petit peu invincible. Ce qui n'est pas le cas. Hein. En vieillissant, on se rend bien compte qu'on se prend des sacrés gamelles et qu'on se fait mal. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois qu'on chausse, c'est un nouveau jour, quoi. Donc c'est ça, pour moi, mon meilleur souvenir, c'est ça. Ok. Je vais conclure. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question? Est-ce que tu veux dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le roller? Faites du roller, c'est tout. Ouais. Faites-en, c'est comme tout sport, hein. ça vous sécrétez des endorphines et puis après vous vous sentez mieux, donc n'hésitez pas à faire du roller. Ouais. Ok, donc moi j'ai une annonce, hein, comme j'ai dit au cours du podcast, je vais arrêter donc le podcast au mois de juin ou juillet. Et pour le dernier épisode, j'aimerais vous mettre à contribution, vous les poditeurs. Donc je vous demande de répondre juste à la question « Pourquoi tu roules ?» Voilà, l'idéal c'est de m'envoyer un fichier audio où vous répondez à cette question. Vous pouvez aussi répondre par écrit. L'idée étant de passer ces extraits donc lors du dernier épisode pour finir en beauté. Si vous m'envoyez un texte, forcément je le lirai à votre place. Si vous n'êtes pas vraiment inspiré par cette question, si vous, des fois c'est la peur de la feuille blanche, vous répondez aux questions auxquelles tu viens de répondre et donc je mettrai donc ces questions dans les notes de l'émission. J'espère que vous serez nombreux à y répondre. Vous avez jusqu'au 1er mai pour rendre votre copie, 1er mai 2022. Et voilà, si vous voulez prendre la relève du podcast, vous n'hésitez pas à vous me contacter sur ma page Facebook, sur le site de Roller en ligne, sur le forum ou directement sur mon mail, crazysmiler37@aol.fr, hein. Donc tout ça c'est dans les notes de l'émission. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode, parlez de ce podcast à vos amis, à vos ennemis, vous leur faites écouter de force les épisodes que vous aimez le moins, et lors d'une longue balade en voiture, là vous mettez balade au roller, comme ça tout le monde est obligé d'écouter. Et c'est super, ça fait des sujets de discussion. Voilà, c'était